coup d'œil sur la météo maintenant sur RMC. La météo de votre week-end avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Poussée anticyclonique, ça y est, elle arrive par l'ouest. Alors doucement, hein. Du coup, là où il fera beau aujourd'hui, c'est en Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire. Partout ailleurs, le ciel va rester encore bien nuageux ce matin, notamment du Languedoc au Mâconnais, en passant par la vallée du Rhône, l'Auvergne, mais également entre le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie. Là, les averses y sont déjà très fréquentes sur toutes ces régions. Et puis dans le sud-est, des Alpes du Sud, à PACA et en Corse, le ciel va rester voilé mais lumineux. Vous aurez du vent, attention, la tramontane se lève. Cet après-midi, le temps reste très instable. Hein. Nous aurons en majorité un temps orageux encore, excepté dans un bon quart nord-ouest, je vous le disais, du bassin de la Gironde à la Bretagne. Et sur les départements bordant la Manche, le soleil revient plus franchement sans averse. Le beau temps s'installe. À partir de mercredi, on vous promet l'été. En ce moment, les températures sont encore en général très basses, entre 10 et 13 degrés ce matin, 17 à 21, pas plus pour cet après-midi. Allez, on fait un peu mieux au bord de la Méditerranée avec de 14 à 16 degrés ce matin et jusqu'à 25 cet après-midi. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Europe. 15h UEFA Euro 2016, Belgique-Irlande, suivi à 18h d'Islande-Hongrie. 20h45, rugby top 14, demi-finale Toulon-Montpellier. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Portugal-Autriche. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, hommage national hier pour les deux policiers assassinés lundi. Et puis les dernières avancées dans l'enquête sur le tueur Larossi Abdallah et ses liens avec d'autres terroristes. Une primaire, oui, mais pas une primaire de toutes les gauches. Congrès du PS aujourd'hui qui doit proposer un scrutin resserré autour des partis pro-gouvernement. Et puis l'Euro de football, l'Espagne a brillé hier. La France affronte la Suisse demain avec toujours le cas Pogba qui fait débat. Il est 6h sur RMC, bonjour à tous. Hier soir, c'est une quatrième personne qui a été interpellée à Mantes-la-Jolie, quatrième homme supposé proche de Larossi Abdallah, ce terroriste meurtrier de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Les enquêteurs semblent donc faire quelques avancées un peu moins d'une semaine après l'acte sordide du jeune homme de 25 ans. Des avancées notamment sur ses connaissances à Nysens. Oui, avec donc cette interpellation peu après 20h30 hier soir, nous sommes dans un cybercafé du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Un gros dispositif policier est déployé pour arrêter un homme d'origine mauritanienne, un employé de ce cybercafé. Autre information ce matin, selon Reuters, qui cite une source proche de l'enquête, il existerait un lien entre Abdallah et Sid Ahmed Glam, ce franco-algérien soupçonné d'avoir tué Aurélie Châtelain en avril 2015 à Villejuif et qui projetait de commettre un attentat contre une église. Ce mois-là, Larossi Abdallah aurait été vu dans une camionnette en compagnie d'un homme mis en cause plus tard dans ce dossier pour avoir apporté une aide logistique à Sid Ahmed Glam. La piste du loup solitaire s'éloigne, d'autant que les enquêteurs s'interrogent aussi sur un voyage d'Abdallah à la Mecque il y a 4 mois, un pèlerinage qui aurait pu lui servir de prétexte pour se rendre en Syrie. Les précisions directes ce matin d'Anaïs Sens. L'enquête et l'émotion hier, hommage solennel, hommage national rendu aux deux policiers, deux héros du quotidien, disait François Hollande, le président de la République qui s'est vu refuser une poignée de main par l'un des policiers présents à la cérémonie. Geste de colère contre le manque de moyens dont souffrent les forces de l'ordre, geste que comprend le Premier ministre Manuel Valls, qui s'est lui aussi retrouvé devant le policier en question. Je peux comprendre que dans ces moments-là, il y ait un policier ou des hommes ou des femmes qui sont touchés, qui pouvaient connaître des victimes, qui aient une attitude qui n'est en rien irrespectueuse. Elle était respectueuse et j'ai tout simplement dit à ce policier que, puisqu'il me disait que c'était dur, je lui dis que c'était difficile pour tout le monde. Dans ces moments-là, vous savez, le rôle du président de la République, le mien, celui des ministres qui ont en charge ces forces de sécurité, c'est de partager ensemble les grands défis auxquels ces forces de sécurité sont confrontées. La politique, ce samedi, et le mot du jour, c'est primaire. Certains voulaient une de toutes les gauches. A priori, c'est raté. Conseil national du Parti Socialiste aujourd'hui et dans Libération ce matin, le patron du parti, Jean-Christophe Cambadélis, dévoile ses intentions. Une primaire aura bien lieu, mais une primaire modèle réduit, Marie Rognier. Oui, tant que François Hollande ne se décide pas pour 2017, les socialistes font jouer la montre. Comme les chances d'aboutir à une primaire de toute la gauche sont quasi nulles, les Verts et le Parti communiste s'y opposent, Jean-Luc Mélenchon aussi. Le premier secrétaire du parti propose d'ouvrir la compétition à la belle alliance populaire, c'est-à-dire aux alliés du PS, qu'ils soient radicaux, écologistes ou représentants du monde syndical et associatif. Elle pourrait avoir lieu les deux derniers week-ends de janvier, selon Cambadélis. Reste à savoir si François Hollande va y participer ou non. Pas sûr que le président de la République souhaite se plier à l'exercice. Les précisions de Marie Monnier. Deux réquisitions de parquet ce matin. La justice avec d'abord les suites de l'affaire du trader Jérôme Kerviel. Le parquet de Versailles a estimé hier que la Société Générale n'avait pas droit aux dommages et intérêts qui lui avaient été octroyés. Il s'agit de près de 5 milliards d'euros. Ceux perdus par l'ex-trader, la banque a commis des fautes suffisantes pour entraîner la perte totale de son droit à réclamer une compensation. C'est ce que disait l'avocat général. Et puis autre dossier judiciaire, celui du viol du 36 quai des Orfèvres. C'était il y a 2 ans, une jeune touriste canadienne agressée dans les murs de la police judiciaire à Paris. Le parquet a réclamé hier un procès aux assises pour les deux fonctionnaires de la BRI, deux hommes de 37 et 46 ans dont les traces ADN avaient été retrouvées sur la victime. C'est un décompte annuel toujours aussi terrible en France. L'an dernier, 497 personnes sont décédées, seules, isolées, 497 SDF morts dans la rue. C'est le collectif Mort de la rue, justement, qui donnait le bilan hier et qui organise un hommage aujourd'hui à Paris. Cécile Roca est coordinatrice du collectif. La première cause de mortalité, c'est les causes externes, c'est-à-dire ce sont des morts violentes. Dans ces morts violentes, il y a un certain nombre de morts dont on ne sait pas s'il s'agit d'accidents, de suicides ou de meurtres. Par exemple, quelqu'un retrouvé noyé. Et après, les gens, parce qu'ils ont peur, essayent de se protéger, notamment par le manque de sommeil en restant vigilant. On a connu pas mal de personnes qui marchent toute la nuit pour pas dormir parce qu'on est vulnérable quand on dort. Et c'est du coup une source d'épuisement qui emmène après des conduites à risque diverses. Cécile Roca avec Claire Checaglini. Oubliez l'amniocentèse, procédure invasive, parfois dangereuse, place à une toute simple prise de sang. C'est ce que réclament aux autorités les personnels de santé pour détecter la trisomie 21 chez le fœtus. La prise de sang est déjà très pratiquée massivement à l'étranger et Romain Poiseau en France aussi, mais dans quelques hôpitaux, seulement à l'hôpital américain de Boulogne par exemple. Alma, une Américaine vivant à Paris, est enceinte de son 4e enfant. Jugée à risque par les gynécologues, elle a choisi le test sanguin plutôt que l'amniocentèse. Dans les États-Unis, c'est très connu parce que j'ai déjà 3 enfants et j'avais 7 tests aux États-Unis. L'amniocentèse, c'est plus risqué. La maman peut avoir une fausse couche. C'est plus risqué. Avec l'amniocentèse, le risque de fausse couche est de 1%. Avec le test sanguin, le risque est de 0. C'est l'ADN du fœtus qui est recherché dans le sang maternel. Le professeur Philippe Bouana, gynécologue à l'hôpital américain de Paris. La sensibilité du dépistage pour la trisomie 21 est supérieure à 99%, ce qui est exceptionnel. Avec maintenant nos 3 ans de recul, bien sûr, on a envie de dire ce test, il faut le faire et c'est complètement incroyable qu'on ne le fasse pas et qu'il ne soit pas remboursé depuis 3 ans. Mais il a fallu ce temps pour bien voir comment fonctionnait ce test. Et selon lui, le test deviendra accessible à toutes les femmes enceintes jugées à risque d'ici la fin de l'année. Le reportage de Romain Poiseau, 6h06 sur RMC. RMC, UEFA Euro 2016. Dernier rendez-vous avec les Bleus et leur match de poule, c'est demain, dimanche. Ce sera face à la Suisse, la France déjà qualifiée mais qui doit encore répondre à quelques questions. Évidemment, le cas Pogba, censé être la star de l'Euro, et lui, il est un petit peu en dessous. Alors ce match contre la Suisse doit servir de révélateur selon Steve Savidan. Lui, il a donné sa volonté de vouloir jouer plutôt milieu gauche. Et ben, c'est pourquoi pas reposer Blaise Matuidi qui a fait ses 2 premiers matchs et le mettre à la place de Matuidi sur ce côté gauche. Déjà, ça lui donnerait un peu ses responsabilités. Hein. C'est t'as voulu jouer là, je te mets là. Maintenant, c'est à toi de le faire. Paul Pogba est capable d'être très bon et d'être un très bon joueur et d'être un coéquipier parfait. Maintenant, on l'attend. J'espère pour l'équipe de France et particulièrement pour lui qu'il va se retrouver sur ce 3e match pour lui donner confiance. Parce que on sait très bien que si on veut aller loin dans cette compétition et voir pourquoi pas la gagner, il faudra qu'il y ait un Pogba au top du top. Le programme de ce samedi, 2 équipes face à leur responsabilité. La Belgique affronte l'Irlande, le Portugal joue l'Autriche. Et puis dernière rencontre, l'Islande face à la Hongrie. Hier, les Espagnols ont frappé fort, victoire 3-0 sur la Turquie. 2 partout entre la Croatie et la République tchèque. Et puis l'Italie s'est qualifiée pour les 8e, victoire 1-0 face à la Suède. Thiago Motta est plutôt fier de son son équipe. On n'a pas des stars, mais on a un groupe, on a une équipe. Même la Suède d'aujourd'hui, comme de les jouer comme Ibra, que pendant les 10 ans qu'on a passé, c'est de les mieux avançantes qu'on avait dans le football. Nous, on n'avait pas aujourd'hui, mais on a une équipe solide. On essaye de faire les choses bien dans les terrains et on espère de continuer pour ces chemins et on espère de gagner des matchs comme ça. Et puis le sport, c'est aussi le rugby ce week-end. Demi-finale de top 14, l'exploit du Racing hier soir. Après prolongation, les Franciliens ont battu Clermont, l'équipe qui a terminé première du championnat. Score final 34-33, énorme désillusion pour le Clermontois Scott Spilling. On est dégoûté, hein. On est dégoûté après une saison aussi longue que ça. On a fini premier de championnat après de perdre après 5 minutes de jeu. Bien sûr, hein, le vestiaire est dégoûté. Hein. Dégoûté pour nos supporters aussi. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir la saison prochaine et tout donner encore et rien lâcher. Et l'autre demi-finale, c'est aujourd'hui Toulon face à Montpellier, 6h09 pile. François Sorel. Bonjour Thomas Chupin. Bonjour, tout va bien? C'est toujours un plaisir que de vous retrouver le week-end, mon cher Thomas. Et un tiers écarté, quinté plus cet après-midi, on ne change pas les bonnes habitudes. Et c'est à Anguin. Les pronostics de la Dream Team, Sébastien Larras aime beaucoup le 11 Geisha Sund et le 15 Orient Horse. Brahim Asloum nous conseille le 16 Pic Chronos. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 6 For Pleasure Az et le 14 Pingus Vang. Un petit festival ce matin. Ça nous fait plaisir. Le 11, le 15, le 16, le 6. Et le 14. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. Votre jardin. Tu l'aimes ta plante, hein? C'est ma meilleure amie. Toujours de bonne humeur. Je mets une question. François Sorel, Patrick Niolan. Il est 6h10, c'est RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque samedi et dimanche, 6h-10h, le week-end des experts. Comment allez-vous? Bien. Bon, vous attendiez un peu le soleil. C'est pas encore gagné. Bon, on fera d'ailleurs le point dans un instant avec Patrick Mullen sur la météo du jardinier. En tout cas, on va passer ce samedi et dimanche matin ensemble de 6h à 10h avec demain les animaux en compagnie Laetitia Barlerin. On s'intéressera, tiens, aux animaux en Suisse. Et oui, à l'occasion de l'euro demain. Dans notre rendez-vous auto, avec Jean-Luc Moreau. Attention, événement, Jean-Luc a testé la nouvelle Tesla, la Model X. Que vaut cette nouvelle Tesla qui fait tourner les têtes? On verra ça demain, ça va être un test, un essai hyper important. Tout à l'heure dans notre rendez-vous maison entre 8h et 10h avec Christian PC, on essaiera de protéger votre maison pendant les vacances. C'est vrai que les vacances arrivent. Et bien comme d'habitude, à cette période de l'année, on va s'intéresser à ce sujet. Simulation de présence, surveillance temporaire, home-sitting, vigilance aussi des services de police et de gendarmerie. Comment bien protéger sa maison pour ne pas avoir de mauvaises surprises quand on rentre de vacances? Ce sera tout à l'heure entre 8 et 10, donc dans la maison avec Christian PC, mais dans l'immédiat, il est à mes côtés. C'est Patrick Mulan. Bonjour Patrick. Bonjour Monsieur François, bonjour tout le monde et bienvenue au jardin. Oui, jardin beau, hein, actuellement, mouillé. Beau, mais humide. Voilà, compliqué aussi pour les floraisons, malheureusement. C'est vrai que nous, on a planté par exemple des magnifiques pétunias qui sont devenues des espèces de choses lamentables. c'est vrai aussi que le basilic donne des signes de faiblesse. En revanche, bon, les salades sont dévorées par les limaces, ça va très bien. Mais le reste, non, c'est généreux, les verts sont beaux, les pelouses sont magnifiques. Non, c'est clair, c'est voilà. Clair. Ouais. Le seul problème, c'est que pendant ce temps-là, nous, on prend pas beaucoup le soleil. Et puis on a du mal aussi à rester dans son jardin. C'est sûr. Hein, c'est compliqué. Ou alors peut-être entre deux airs verts, si on est rapide. Hein. On verra la météo du jardinier tout à l'heure, on vous nous dira un petit peu si ça s'améliore, mais j'ai regardé un petit peu les cartes de Météo France. Oui, ça va aller un petit peu mieux. Ça s'améliore, mais après, en fin de semaine, ça reste très incertain. Bon, on verra ça tout à l'heure, la météo du jardinier. Et en deuxième partie, on va revenir sur le désherbage et cette polémique glyphosate, mon cher Patrick. C'est vrai qu'en ce moment, avec le temps qui fait, les mauvaises herbes s'en donnent à cœur joie. On a envie de désherber. Le seul souci, c'est qu'on est peut-être à l'aube d'une petite révolution dans ce domaine-là, avec l'interdiction d'un produit que les jardiniers apprécient et qui permet d'herber. Oui, alors ce ne sera pas une interdiction que de celui-ci, ça sera l'interdiction de toute façon de toutes les substances d'origine chimique, ça sera pour 2019. Dans un premier temps, il va y avoir une mise sous clé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on sera, on pourra pas les acheter les produits comme ça en libre service. Il faudra les demander. Un peu comme de l'alcool, quoi. Un peu comme de l'alcool. Dans certains magasins où vous êtes obligé de. Un peu, c'est exactement ça. Et on va voir surtout quelles sont les possibilités demain pour le désherbage et puis quelles sont les techniques que l'on peut utiliser dès aujourd'hui qui sont pratiques aussi. Donc il n'y a pas que des désherbants. On peut désherber à la main, on peut désherber avec d'autres choses. Donc on va voir tout cela. Est-ce que aussi d'ailleurs les produits bio qui existent déjà en désherbant sont suffisamment efficaces pour nous donner satisfaction, etc., etc. Donc on aura un peu un scoop puisque pour la première fois l'entreprise Monsanto a accepté de parler. On aura un de ses représentants et pendant toute cette heure, cette deuxième heure, donc voilà. Vous pouvez poser d'ailleurs toutes vos questions. Oui, sur le désherbage dès maintenant. Et puis on terminera avec un cadeau. Avec Patrick, on a eu la chance samedi dernier de rencontrer sans doute le plus grand comédien de France. Oui, d'accord. Grande star internationale. Voilà, Gérard Depardieu, qui a maintenant une rose à son nom. Voilà, donc il baptisait sa rose, la rose Gérard Depardieu, et il nous a accordé. Rien qu'à nous, François et moi. Quelques minutes d'interview. Une interview où on parle un petit peu de nature, un peu de sa nature. Voilà, on vous diffusera bien évidemment cette interview tout à l'heure. En fin de rendez-vous, Jardin, c'est un événement parce que vous le savez, Gérard Depardieu est très très très silencieux, n'aime pas beaucoup être interviewé. Eh bien, on a malgré tout, nous, réussi à lui poser quelques questions. Ce sera tout à l'heure, donc juste avant 8h. Le jardin réunit les hommes. C'est ça. 3216, jardin@rmc.fr. Soyez les bienvenus à vous toutes et à vous tous. Et on accueille tout de suite vos questions avec René qui ouvre le bal en ce samedi matin. Bonjour René. Oui, bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour. Je vous appelle, voilà, j'ai un petit problème. Voilà, j'ai planté du persil commun sur un balcon, dans un pot de 25 cm à peu près, et toutes les feuilles sont blanches. Alors je comprends pas ce qu'il arrive, d'autant plus que ça m'est arrivé l'an dernier également. Oui, alors moi j'ai ce problème-là aussi souvent. Alors... Ça doit venir de deux choses. La première, là, en ce moment, le persil, bon, il aime bien cette humidité-là. Quand on le plante un peu trop au soleil, il a tendance à se décolorer. Faut faire attention quand même que, justement, le sol ne soit quand même pas trop gorgé d'eau en permanence. Ça, c'est déjà les premières choses. Après, on n'a pas vraiment affaire à une maladie cryptogamique parce que, il y a une maladie cryptogamique courante sur le persil qui est donc quand on a un manque de matière organique, parce que le persil ça aime bien pousser dans du terreau, tout simplement. Lorsqu'on n'est pas dans une bonne terre, on a plutôt une jaunisse qui vient donc de ce qu'on appelle la fusariose, et puis après vous avez un flétrissement. Là, dans votre cas, et c'est un cas que je vous disais, j'ai déjà vécu, on a une sorte de blanchiment des feuilles. Donc, est-ce que c'est parce que l'équilibre du sol que l'on offre à notre persil est pas suffisant? Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a parfois, si on a changé de terreau et qu'on a pris un terreau qui est enrichi en engrais, on a peut-être une concentration parfois d'éléments minéraux qui sont trop forts. Tout ça, c'est une question de dosage. Le persil, c'est pas une plante aussi facile à cultiver que cela. C'est assez capricieux. Hein. On le voit déjà au niveau du semis. Hein. Il faut 3 semaines pour que les graines lèvent. Parfois un mois. Ça marche. Ouais. Ça marche pas toujours de bonnes conditions. Oui. Il est en pot. Hein. Il est pas en pleine terre. Hein. Oui. Non, mais en pot, on arrive à des bons résultats. Hein. Mais ça dépend ce que vous avez utilisé comme substrat. Oui, mais enfin, le terreau, aujourd'hui, ça veut rien dire. Vous achetez un produit qui s'appelle le terreau, vous avez 200 sortes de compositions. Après, comment dire? Faut vraiment, alors ça, j'insiste là-dessus, faut vraiment, quand on achète du terreau, acheter des produits très qualitatif. Ce que l'on vend souvent à bon prix dans les supermarchés ou dans les commerces non spécialisés, c'est vraiment souvent très très très décevant. Et vous avez souvent des déséquilibres au niveau de la composition chimique, hein, parce qu'il faut bien parler de chimie de temps en temps. Une plante, c'est une usine de chimie. Ça ne consomme les éléments qui la nourrissent que sous forme chimique, donc sous forme minérale. Donc vous avez donc des problèmes parfois d'équilibre avec cela. Donc moi je dirais que le choix d'un terreau, est très important. Alors, comment trouver un bon terreau? Il y a des terreaux dans le commerce qui sont des terreaux pour plantes aromatiques ou pour potager. Lorsque vous regardez la composition, si vous avez au moins, alors c'est très très, enfin disons, simplifier ce que je dis, mais globalement, pour arriver à s'en sortir un peu, si vous avez au moins 4 composants, et pas simplement de la tourbe, notamment, ou que de la tourbe et des composts verts, si vous avez aussi un peu de fumier, si vous avez des éléments comme de la fibre de coco, si vous avez des écorces compostées, etc. Tout ça, ça va permettre d'avoir un meilleur équilibre de votre produit. Ensuite, ben pourquoi pas, et ça peut le faire d'ailleurs, parce que le persil aimera bien, c'est mélanger moitié terre de jardin, moitié terreau, de façon à ce que vous ayez quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Mais honnêtement, il n'y a pas de particularité, comment on va dire, parasitaire par rapport à ce blanchiment. C'est vraiment un problème de conditions de culture. Alors, je vais faire un petite parenthèse aussi. C'est comme une sorte de clin d'œil à l'envers. Attention, le persil n'aime pas le soleil brûlant. Ah. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il faut aller le chercher. Alors, vous vraiment dans l'extrême sud. Hein. Vous êtes dans quelle région, René? Je suis à Marseille, mais il est sur un balcon, mais il est à mi-ombre. Voilà, hein, il faut bien le mettre à mi-ombre. Même à Marseille, on peut même le mettre à l'ombre complètement. Donc voilà, je dirais réessayer en changeant complètement la composition de votre substrat, et vous devriez avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup René pour votre appel, 6h19. On revient dans un instant sur RMC avec Yolande. Son seringa est magnifique, mais il n'a pas d'odeur, Patrick. Et Yolande s'inquiète. Il y a une erreur de casting. Allez, on revient dans un instant. J'espère qu'on n'a pas eu d'erreur de casting et que c'est bien Gérard Depardieu qu'on a interviewé la semaine dernière. Je pense que oui, malgré tout. Oui, il n'y a pas de souci. Le 3216, jardin@rmc.fr. Nous sommes en direct et on attend vos questions. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Pendant l'Euro, il y aura des matchs de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Mais une seule équipe jouera l'intégralité des matchs, sans exception. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h20, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Notez que dans quelques minutes, on retrouvera la météo des infos de 6h30. D'ici là, bien sûr, vos questions jardin, le 3216 ou jardin@rmc.fr si vous voulez joindre notre expert. C'est le moment ou jamais, profitez-en. Tenez, si vous nous joignez par mail, chose importante, laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle comme ça très très vite. Yolande est avec nous ce matin. Bonjour Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour Patrick, bonjour François. Bonjour, bonjour, et on vous écoute Yolande. Et voilà, il y a quelques mois, j'ai acheté un seringa pour qu'il embaume mon balcon. Il est tout fleuri, malheureusement, les fleurs n'exhalent aucun parfum. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un seringa à fleurs doubles? Oui, oui. Oui, ben voilà, c'est ce que je disais avant qu'on vous prenne au téléphone. C'est une erreur de casting, donc vous n'êtes pas fautive. Mais il y a des seringas qui s'appellent Philadelphus X, donc hybride virginalis, donc le seringa virginal, que l'on voit très très communément dans les pépinières ou dans les jardineries, et qui ont des gros bouquets bien doubles, etc. Ils sont très très peu odorants, voire parfois, en cette saison notamment, à cause de la pluie. Hein. Il faut dire aussi, le parfum n'est pas une science exacte, enfin le parfum végétal est vraiment quelque chose qui est très très complexe. Pour qu'il s'exhale, il faut des conditions généralement de chaleur et d'humidité, avec notamment, je dirais, plus de parfum souvent le soir. Mais sur les seringas, qui sont quand même réputés pour leur parfum en général, les fleurs simples, par exemple, vous avez un seringa qui s'appelle Avalanche. Bon, tous les Philadelphus, c'est le nom botanique, qui s'appelle Philadelphus coronarius, sont beaucoup beaucoup plus parfumés que les virginalis. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, je disais, c'est une erreur de casting, c'est ça. Alors cette année, est pas du tout favorable à l'exhalation correcte des parfums. Moi cette semaine là, j'étais chez un producteur de roses avec des roses anciennes magnifiques, etc. Vu l'humidité, on avait un mal de chien à avoir les odeurs et on se disait tiens c'est bizarre, cette variété elle sent pas. Non, c'est parce que là le parfum n'avait pas les conditions pour s'exprimer. Alors le seringa à fleur double va pouvoir sentir quelque chose un peu, mais il sera jamais vraiment cette explosion de parfum que vous auriez avec un fleur simple. Donc soit vous changez, soit vous faites un deuil du parfum malheureusement. Alors, il faudrait prendre quel genre de seringa pour que... C'est ce que je vous disais. Il y a Philadelphus coronarius. Ah oui, j'ai entendu ça. Oui. Philadelphus coronarius, ça, c'est ceux qui sont le meilleur. Fleurs simples, comme Avalanche. Ah, il y a une variété qui s'appelle... Avalanche, non, c'est aussi un virginal. Mais prenez Philadelphus coronarius, tout bêtement. Voilà, vous le trouverez dans le commerce et demandez une à fleur simple et vous aurez vraiment un bon résultat. Ah, d'accord. Voilà. Je vous remercie infiniment. Mais merci à vous, Yolande, et bonne journée. Oui. Voilà, Yolande qui nous a appelé au 3216. Ça peut s'expliquer botaniquement, hein, parce qu'une fleur double, c'est quoi? Ce sont souvent les étamines qui sont transformées en pétales. Or, c'est souvent au niveau des étamines que vous avez des glandes qui sont odoriférantes. Donc, ça explique ça. Voilà. On accueille maintenant Eddy qui est avec nous. Bonjour, Eddy. Oui, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bienvenue Eddy sur RMC, vous êtes en Saône-et-Loire, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, toujours pâtissier à Blanzy, voilà. Ah, et bien voilà, de temps en temps, Eddy le pâtissier, ça va, les fours marchent bien, tout est prêt? Ça va, tout est bon là, tout est lancé, il n'y a plus qu'à attendre. D'accord, voilà. Bon, ça, en fermant les yeux et en s'imaginant, on arrive à sentir l'odeur, enfin du pain qui sort du four, c'est pas mal. Ah là, ouais, ça sent bon là. Qu'est-ce qui vous arrive Eddy? Donc j'ai un petit problème avec mes arbres fruitiers, c'est des arbres que j'ai replantés cette année. Ils ont tous bien fleuri, ils ont tous produit des fruits, les poiriers, pommiers, pêchers. Et là, en fait, tous les fruits sont tombés. Les poires étaient arrivées, elles étaient gros comme le bout du pouce à peu près. Mmh. Et je suis retourné voir, il n'y a plus rien du tout. Elles sont toutes tombées, les mirabelles pareil, les poires pareil, il me reste juste quelques petites pêches. Et voilà, je voulais savoir si c'est des plantations de cette année. Oui, c'est ça. Si ce sont des plantations de cette année, il n'y a pas péril parce que même d'une manière générale, ça serait très bien de le faire si la plante le fait pas. Parce que la fabrication, si je puis dire, de fruits par une plante lui nécessite énormément d'énergie. Donc, le temps déjà qu'elle se mette bien en place, qu'elle commence à occuper son terrain, etc. Bah, c'est un peu normal qu'après elles disent j'ai pas la force suffisante cette année pour mener à bien ma fructification, donc elles se débarrassent, c'est ce qu'on appelle la chute physiologique de ces fruits. Alors parfois c'est qu'une simple partie de la production, d'autres c'est l'ensemble. Sur cette année, ce n'est pas du tout inquiétant. En plus, bon, les conditions climatiques sont pas forcément géniales pour la fructification, on manque un petit peu de soleil, donc tout ça, moi, je suis pas trop inquiet. En revanche, si ça recommence l'année suivante, là, il faudra quand même s'inquiéter. Regardez éventuellement quand même dans les fruits qui sont tombés au sol, si en les coupant en deux, s'il n'y a pas un habitant, parce que ça pourrait aussi vouloir dire que bon, les fruits étant véreux, la plante ne les garde pas. Mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est simplement une réaction où la plante a besoin de s'installer correctement et elle prend. Voilà. Alors, mettez-leur un peu dans engrais pour j'en ai mis, ouais, j'ai bien bêché au pied, on m'a dit de faire ça trois fois par an, de remettre un petit peu de fumier, et voilà. Et une autre question, toujours sur les arbres, c'est par contre le pêcher, lui, il a toutes ses feuilles qui sont tombées. Oui, elles étaient cloquées. Non, elles n'étaient pas cloquées, elles étaient normales. Et plus ça allait, plus elles descendaient, plus elles regardaient vers le bas, et là, elles sont toutes tombées. Que j'ai bien passé à la bouillie bordelaise, j'ai suivi un maximum de conseils. Elles sont tombées vertes? Ouais, elles sont tombées vertes, oui. Ouais. Elles étaient vertes pâles un peu, mais elles n'étaient pas jaunies, elles sont tombées vertes. Et j'ai pas mal de vent, et pareil, dans l'endroit où ils sont, c'est quand même assez humide. Oui, alors le pêcher, c'est pas... Est-ce que ça peut venir du vent ou du courant d'air, comme vous parlez assez souvent? De toute façon, quand vous avez un symptôme comme ça, c'est-à-dire c'est brutal, et il n'y a pas d'aspect parasitaire, parce qu'un aspect parasitaire, c'est soit des bébêtes qui mangent les feuilles ou qu'on voit, soit des taches qui apparaissent, ou alors des flétrissements, des brunissements, des choses comme ça. Là, si simplement les feuilles sont vertes, elles tombent, c'est que la plante se trouve pas dans des conditions favorables à son développement. Donc là, effectivement, l'exposition au vent, trop d'humidité, les pêchers, c'est pas des plantes de sol humide, hein. C'est des plantes qui poussent plutôt dans des sols assez sableux. Donc là, il faut les déplacer obligatoirement à l'automne prochain et puis leur offrir un sol qui soit plus drainant. Merci Eddy. Il est bientôt 6h30, on va retrouver la météo et les infos de 6h30. Patrick et on reviendra avec la météo du jardinier et puis bien sûr vos questions au jardin tout comme Eddy. Ce matin vous voulez joindre Patrick le 3216 ou jardin@rmc.fr. A tout de suite, on est là dans 2 minutes. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook Votre Jardin sur RMC. RMC Running. Demain, Triathlon de Valence, deuxième étape du Grand Prix de Triathlon pour la recherche sur le cancer avec RMC. Au programme, les meilleurs triathlètes mondiaux sur les courses de première et deuxième division et une course ouverte à tous. Inscription sur triathlondevalence.fr. Le Triathlon de Valence, demain avec RMC. C'est l'heure de la météo. La météo de votre week-end, c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Alors, c'est un cocktail encore assez pluvieux. Malheureusement, c'est la dernière journée. Attention, hein, le beau temps arrive. L'anticyclone déjà se fait sentir en Bretagne. Il va faire très beau aujourd'hui, bien ensoleillé. Le soleil va revenir sur les côtes de la Manche cet après-midi, en Pays de la Loire également, en Basse-Normandie, jusqu'au bassin girondin. Là, vous aurez du beau temps. Partout ailleurs, très nuageux, encore très orageux. Sur Midi-Pyrénées, l'Auvergne en ce moment, vraiment la pluie tombe et ça sera la pluie très soutenue. Sur le littoral méditerranéen, le ciel va rester voilé mais sec. La tramontane va souffler jusqu'à 70 km/h et les températures assez agréables sur le bassin méditerranéen. On aura jusqu'à 25 degrés par exemple en Corse. En revanche, partout ailleurs, elles sont fraîches ces températures. Cet après-midi, pas plus de 23 degrés à Montpellier, 17 à Tarbes, à Lille, 19 à Paris et jusqu'à 20 degrés à Lyon, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, il est 6h30 précisément. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. L'Euro de football pour commencer avec l'Espagne qui a frappé fort hier soir. Victoire 3-0 face à la Turquie. L'Italie aussi a gagné 1-0 face à la Suède. De partout entre la Croatie et la République tchèque hier soir. 16 personnes ont été placées en garde à vue à Nice en marge du match Turquie-Espagne. 11 ultra-espagnols ainsi que 4 Français supporters turcs qui sont entrés dans le stade avec des fumigènes. Et puis le match a été interrompu entre la Croatie et la République tchèque. Encore une fois, à cause d'engins pyrotechniques à l'intérieur du stade. Aujourd'hui, 3 rencontres, Belgique-Irlande, Portugal-Autriche, Islande-Hongrie. Prochain rendez-vous avec les Bleus, demain face à la Suisse pour leur dernier match de poule. L'émotion hier dans les Yvelines, hommage national rendu au couple de policiers tués lundi à Magnanville par le terroriste Larossi Abdallah. L'enquête également est selon l'agence Reuters, il y aurait un lien entre Larossi Abdallah et un autre présumé terroriste, Sid Ahmed Glam, l'étudiant franco-algérien qui projetait des attentats contre des églises et qui aurait tué Aurélie Châtelain, ville-juif, en avril 2015. Lui a été intercepté vraisemblablement avant de passer à l'acte. Le jeune homme radicalisé arrêté en début de semaine à Carcassonne a été mis en examen hier soir. Il aurait voulu s'attaquer à des touristes américains et russes. La politique ce samedi avec le Parti Socialiste qui tient congrès et qui doit se mettre d'accord sur les modalités d'une primaire en vue de la présidentielle l'an prochain. La piste d'une primaire des gauches semble oubliée. Un scrutin entre partisans du gouvernement semble plus plausible. Et puis la justice et l'affaire Kerviel, coup de théâtre hier, le parquet a estimé que la Société Générale ne méritait plus les dommages et intérêts faramineux, plus de 5 milliards d'euros qui lui étaient promis. 6h31 sur RMC, vous êtes avec François Sorel et Patrick Mulan, Votre Jardin. Merci beaucoup Thomas, et vous revenez à 7h, bien entendu, pour développer tous ces titres d'actualité. D'ici là, on repart dans notre rendez-vous jardin avec vos questions au 32-16 et Michel qu'on va retrouver dans un instant. À tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Merci d'être là et on salue tous ceux qui travaillent en ce samedi matin, qui sont avec nous, qui sont fidèles à RMC. Je pense notamment aux chauffeurs de taxi à qui on fait un petit coucou et puis à toutes les professions qui sont déjà actives. Oui, de santé, de sécurité, évidemment. Voilà, notamment. Les commerçants aussi, bien sûr, on a vu tout à l'heure Eddy, notre boulanger pâtissier. Bref, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous travaillez, on vous souhaite un bon courage et merci de nous être fidèles. On essaie aussi de vous faire passer le temps plus vite, voilà, si vous travaillez. Et puis ceux qui travaillent pas, ben on leur souhaite un bon week-end détendu. Bah, exactement, voilà, si vous êtes tranquillement dans votre lit ou en train de savourer votre petit-déj, vous avez bien raison. Alors, au menu de ce rendez-vous jardin, attention les amis, rendez-vous exceptionnel. Tout à l'heure, juste avant la fin de ce rendez-vous jardin, juste avant 8h, interview exceptionnelle, puisque nous avons rencontré il y a quelques jours Gérard Depardieu, sans doute le plus grand comédien français, répondra à nos questions, parce que Gérard Depardieu a sa rose, il a une rose à son nom, voilà. Et il a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de nos questions. Voilà, et ça sera tout à l'heure. Voilà, c'est une rose qui a été créée par Dominique Croix. On évoquera aussi tout à l'heure le désherbage, voilà. Quelle solution pour désherber? C'est vrai que actuellement, avec toute l'eau qu'il y a, toute cette humidité, bien les herbes folles s'en donnent à cœur joie. Ça y va. On en parlera à partir de 7h avec nos invités, des spécialistes, et puis bien sûr toutes vos questions sur le désherbage. Dès maintenant, le 32-16 ou jardin@rmc.fr. Toutes les techniques, les douces et les moins douces. La météo du jardinier va arriver aussi dans quelques instants. Oui. Patrick a scruté les cartes de Météo France. On va vous dire un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Et d'ici là, vos questions, bien sûr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on accueille Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue. On vous écoute Michel. Oui, voilà. J'ai mon voisin qui me donne du fumier de cheval. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça, parce que ça me porte de l'herbe dans le terrain, ça... Voilà, je voulais savoir un peu si c'est bon, si c'est pas bon, si... Voilà. Bah écoutez, c'est considéré comme un des meilleurs engrais naturels, surtout le fumier de cheval. Toutefois, il faut composter les fumiers. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du fumier un peu à tort et à travers aujourd'hui parce que on est vraiment orienté sur tout ce qui est matière organique, etc. Si vous lisez bien la littérature et a fortiori la littérature de l'agriculture biologique, on vous conseille en permanence de composter. Donc, le fait de composter, et notamment le fumier de cheval, va créer... Alors surtout si on en a un volume important, fait une montée en température. La fermentation, la décomposition du fumier vous fait monter pratiquement 70 degrés le cœur du tas lorsque ce fumier entre en décomposition. Donc dans ces cas-là, ce processus naturel détruit les graines des adventices, hein, donc de ce qu'on appelle parfois les mauvaises herbes ou les herbes indésirables, et ça vous fait déjà un produit donc plus facile à utiliser. Derrière cela, le compostage va entraîner une transformation de la substance d'origine en un produit beaucoup plus facile à utiliser, enfin beaucoup plus adapté à la végétation, parce que du fumier frais, notamment fumier de cheval, ça peut apporter trop d'azote et brûler les cultures en place, surtout si ce sont des jeunes plantations. Donc, on a sur le fumier une double action qui est très importante à savoir, c'est que c'est d'abord un amendement organique, c'est-à-dire donc un produit que l'on mélange au sol pour en améliorer à la fois la teneur de micro-organismes, la présence d'humus, et pour rééquilibrer physiquement le sol en le rendant à la fois plus perméable, plus facile à travailler, donc il va alléger les terres lourdes ou donner du corps aux terres légères. Donc dans tous les cas, l'apport de fumier est valable. Le fumier de cheval, lui, en général, il est assez pailleux et il a beaucoup d'azote sous forme nitrique. Hein, c'est-à-dire donc de l'azote assimilable rapidement. Donc on peut le considérer effectivement comme un engrais. Et on a aussi cette qualité donc de chaleur dont je parlais, qui est intéressante en automne ou même au tout début du printemps, parce qu'il va permettre de réchauffer aussi la terre. Dans le temps, on faisait ce qu'on appelait des couches chaudes, c'est-à-dire qu'on empilait du fumier sur 50, 60 cm, même parfois plus. Et ce coup de feu là dont je parlais par rapport à la décomposition, eh bien, donnait de la chaleur à des cultures que l'on faisait sur ces couches. Donc on mettait sur le fumier du terreau, on mettait un châssis, et du coup, vous aviez une sorte de chaufferette naturelle, et c'était vraiment très, très efficace. Donc, voilà un petit peu la qualité du fumier. Donc, moi, je vous conseille, vous le mettez en tas, vous pouvez d'ailleurs le mélanger avec les produits que vous utilisez pour votre propre compost, des épluchures de légumes, des tentes de gazon, des feuilles mortes, du bois de taille qui a été broyé, etc., pour obtenir vraiment le compost le plus idéal. Si vous utilisez le fumier lui-même, laissez-le composter pendant un an, et puis au cours de l'année, si vous avez l'occasion, bon, si vous le faites pas, c'est pas le drame, mais l'idéal, ça serait de retourner le tas. Donc, de manière à l'aérer un peu, puis faciliter la décomposition. Après, l'ensemble des fumiers sont valables. Les fumiers de lapin, les fumiers de bovin, de volaille, de mouton, tout ça, on utilise ça au jardin maintenant. Merci Michel pour votre appel. Dans un petit instant, Hélène, on va aussi retrouver dans une minute notre météo du jardinier. Mais auparavant, une petite question perso, mon cher Patrick. Alors évidemment, j'ai une petite terrasse avec quelques petits rosiers. Et en ce moment, voilà, c'est l'hécatombe. Sur toutes les feuilles de mes rosiers, j'ai d'énormes taches noires. Visiblement, je vous ai posé la question tout à l'heure pendant les infos. Vous m'avez dit, c'est une bonne question, François, il faut la poser à l'antenne. Oui. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui, en ce moment, est un peu général. Qu'est-ce qui se passe? En raison des conditions climatiques particulièrement humides que l'on vit dans pratiquement toutes les régions de France ces derniers temps, on a des conditions extrêmement favorables pour le développement des maladies cryptogamiques. Dans le cas présent, on a affaire au Marsonia, le Marsonia qui est la maladie des taches noires du rosier, ça n'attaque que le rosier, et qui fait... Alors c'est très facile à reconnaître. Vous avez une tache ronde, et sur le pourtour de la tache, ça fibrille. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était des tout petits réseaux fins. Vous voyez, comme s'il y avait des micro-veines. Vous regardez bien cette tache. Mmh. Et puis, elle grossit, jusqu'à entraîner le jaunissement complet de la feuille et la chute précoce du feuillage. D'accord. Donc, on est dans une maladie qui est assez agressive, quand même, sur les rosiers, avec des réactions extrêmement variées d'une variété à l'autre. Oui. Vous en avez qui sont beaucoup c'est plus vrai. Résistantes que d'autres. Eh ben, exactement, parce que j'ai plusieurs rosiers qui sont côte à côte et certains sont plus touchés que d'autres. Bien sûr. Alors, la solution, bien entendu, en ce moment, c'est trop tard. Parce que, comme je dis tout le temps, les fongicides, et dont les fongicides, on a surtout la bouillie bordelaise aujourd'hui, sont uniquement préventifs. C'est-à-dire qu'il faut les pulvériser sur les feuilles avant même qu'il y ait les symptômes. Sur les rosiers qui sont peu atteints, vous avez intérêt à le faire. Parce que même s'ils ont déjà quelques tâches, vous allez bloquer quand même un peu le développement de cette maladie. En revanche, sur ceux qui ont été très très atteints, la seule solution c'est de ramasser soigneusement les feuilles pour éviter la propagation de la maladie. D'accord. Et puis surtout d'avoir des spores qui vont rester dans le sol, etc. Ensuite, il faudra laisser faire la nature. Alors, bien entendu, c'est une manière aussi de sélectionner les bonnes variétés par rapport aux moins bonnes. Et je dirais que les rosiers qui sont vraiment trop agressés, il vaut mieux les éliminer, remplacer par des variétés plus résistantes. Voilà, ça dépend quel est votre degré d'attachement au rosier. Il y a des rosiers qui résistent très très bien à ça, même s'ils sont malades. C'est-à-dire tous les rosiers un peu lianes, grosses végétations, etc. On va avoir un aspect moche, mais très spectaculaire. Ça les empêche pas de fleurir, ça les empêche pas de pousser. Voilà, est-ce que ça peut avoir un impact sur la floraison en fait? Sur des rosiers buissons de variétés relativement modernes, oui, ça peut les tuer en 3-4 ans si on les soigne pas. D'accord. Et donc ces rosiers qui vont être chétifs, vous voyez, au mois de juillet, ils auront plus une feuille, donc ils vont être tout dégarnis, etc. Moi, je ferais un truc drastique, c'est que je les élimine complètement et je remplace par des variétés plus récentes. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les obtenteurs de roses travaillent essentiellement la résistance aux maladies, puisqu'on sait très bien qu'on va ne plus avoir de produits vraiment efficaces pour traiter, il faut que la plante elle-même puisse résister. Et honnêtement, ça commence à progresser. Vous avez notamment un label qui est intéressant et à repérer et qui est facile à se rappeler, c'est trois lettres ADR. Alors je vous le traduirai pas parce que c'est un nom allemand invraisemblablement compliqué, mais quand vous avez ces trois lettres là ADR qui sont sur une étiquette de rosier, vous êtes sûr que c'est un rosier particulièrement résistant aux maladies. Très bien. Et donc il faudra tailler un petit peu plus tard dans l'année. Non, vous pouvez tailler maintenant. D'ailleurs, maintenant, ça peut le faire. Alors ça, on est en fin fin de la première floraison des rosiers. N'hésitez pas à rabattre légèrement vos rosiers en verrant entre 3 et 5 feuilles sous les bouquets floraux, de manière à favoriser l'apparition de nouvelles pousses. Alors, si vous faites ce genre de taille, vous les nourrissez un peu vos rosiers, hein, vous, surtout ceux qui sont en bac comme chez vous, donc un peu d'engrais rosier en plus pour pouvoir dynamiser tout ce monde. Très bien, merci Patrick, ça c'est cool d'avoir des petits des petits conseils perso, mais cela dit, je pense que ça c'est bien pour tout le monde. beaucoup d'auditeurs. Hélène sera là avec nous dans un instant, elle aimerait savoir si elle peut traiter la bouillie bordelaise, ses pieds de tomate. Alors oui, on vient juste parler de bouillie bordelaise. Eh bien voilà. C'est un peu le médicament universel. Attention, ce n'est qu'un fongicide. Oui, c'est un fongicide, bien sûr. Ça n'a aucun effet insecticide. Il y a des gens qui se trompent en pensant qu'on peut traiter les pucerons par exemple avec la bouillie bordelaise. Non. Surtout pas. Ouais. C'est la bouillie bordelaise, ils regardent ça comme c'était la pluie. Hein. 6h43, on enchaîne avec notre météo du jardinier. Et nous sommes bien donc le samedi 18 juin 2016 avec un soleil qui s'est levé tout à l'heure à 5h46 pour se coucher à 21h57. Nous sommes en train de vivre sans doute l'une des journées les plus longues de l'année. Oui. Hein. On est à quoi? On est à zéro? On est à zéro. Ah, voilà. Oui. Bah, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne gagne plus forcément au plus long. On est au plus long, en effet. Voilà. Et on fête les Léons aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de oui, il y a Léonce, il y a Hosanna, il y a Marine, il y a Amant aussi, voilà. Alors 170e jour de l'année, 30e jour du mois de Prairial pour les Républicains et 28e jour du signe des Gémeaux. Alors je voulais faire un petit clin d'œil à Carl Sigismund Kunt. Né le 18 juin 1788, c'était un très très très grand botaniste allemand qui a nommé un nombre de plantes invraisemblables dans toutes les familles. Je vous en dis pas plus, mais voilà, il fallait simplement se rappeler de son nom. Alors, qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui à la Sainte Léonce, plante tes salades en quinconce? Alors c'est quoi planter en quinconce? C'est faire deux rangs, mais pas les mettre les uns derrière les autres, mais vous mettez le deuxième rang, vous plantez entre les deux, hein. Vous mettez deux salades à 20-25 cm de distance, et entre les deux, bah, vous mettez sur le deuxième rang les autres, etc. C'est mieux. Comme ça, vous avez une occupation du sol qui est mieux. Oui. À la Sainte Marine, sans te ménager, tu jardines. On dit aussi, alors il y avait un truc, oui, mauvais temps à la Saint-Léonce, peu de fruits, beaucoup de ronces. Ça c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, on le parlera tout à l'heure, les mauvaises herbes, les ronces, notamment, ça pousse beaucoup. Pluie de Saint-Léonce pour 30 jours s'annonce. Oula. Et on dit aussi, déjà quand on en a marre là. Ouais, s'il pleut la veille de Saint-Gervais c'est le 19 juin, pour les blés c'est signe mauvais, mais si tel jour est serein, on est sûr d'avoir du grain. Donc on verra bien, mais je crois qu'aujourd'hui il pleut quand même malheureusement pas mal. Alors, temps nuageux humide à partir de demain qui va s'estomper dans la matinée pour faire place à une journée plutôt ensoleillée, mais on reste pas très chaud hein, puisque en fait on a un vent plutôt orienté nord. Donc demain un peu de soleil quand même. Voilà, un peu de soleil, c'est ce que je disais, assez ensoleillé, mais on est de 16 à 23 degrés. 23 degrés à Perpignan, c'est très très faible. Bah oui. Quelques gouttes éparses dans le Sandre et à l'est, et donc on va pouvoir commencer à ressortir un peu le nez et pratiquer nos tâches d'entretien parce que en ce moment, on n'a pas fait grand-chose, on ne pouvait pas beaucoup jardiner. Lundi, on va avoir un vent instable, mais les températures au lever du jour seront en voie de se hausser. Oui. Belle matinée dans tout le pays, mais on aura l'arrivée d'une nouvelle dépression par la pointe bretonne. On aura quand même jusqu'à 27 degrés à Avignon. Et retour d'un peu de pluie de la Bretagne à l'Île-de-France, surtout dans la soirée. Alors, le temps s'améliore un peu, donc replanter ce qui a été détruit par les excès d'humidité. Oui, ça, si vous avez planté des pétunias, si vous avez planté certaines annuelles, etc., qui vont avoir été vraiment détruites par l'excès d'eau, il faudrait ressortir le porte-monnaie, en racheter un peu, parce que vous avez quand même, je pense, on va avoir à un moment donné un été, et ça serait dommage de rester avec un jardin un peu moche. Moi, c'est ce que je vais être obligé de faire, de toute façon. À partir de mardi, toujours le vent instable, mais on va quasiment dépasser partout les 15 degrés au lever du jour, donc ça s'améliore. Température de 18 à 26 degrés, donc avec des orages sur le Rhône-Alpes. Alors ça, c'est ce qu'il va y avoir pratiquement dans toute la semaine. Donc la pratique du jardinage, ça sera très agréable, y compris aussi mercredi, puisque on aura un vent est-sud-est qui va nous refaire, alors malheureusement, une pluie à peu près au nord d'une ligne Vendée-Alsace, donc Île-de-France, Normandie, Orléanais, Nord, etc. On va avoir encore de la pluie, mais on aura de la chaleur soutenue, 25-27 degrés pratiquement partout, ce qui va entraîner des dégradations orageuses. Et je vais pas plus loin parce que jeudi et vendredi, l'indice de confiance était que 2 hier soir à 21h. Et donc, Météo France annonce quand même un gros retour d'orage dans toute la moitié nord en raison des températures qui sont très élevées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au jardin? On va un peu peut-être planter des nénuphars, tiens. En ce moment, ils sont en fleurs. Ça, c'est sûr. C'est sympa. Dans un bassin, bah oui, faites-vous un bassin, hein, il va se remplir tout seul. Bon, Patrick, on va pas évidemment épiloguer sur cette météo qui est véritablement pas de saison, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, il fait trop frais. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça favorise aussi les maladies cryptogamiques. Il est beaucoup trop humide aussi. 6h48, on revient dans un instant avec Hélène qui va nous parler de ses pieds de tomates. A tout de suite, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Salut, c'est Jeannot Séguier. Ça y est, ils l'ont fait, tous ensemble, avec eux, derrière les Bleus, même s'ils nous font souffrir. Cette deuxième victoire de l'équipe de France, c'est un ticket pour les huitièmes de finale. Mais attention, pas de relâchement, il faut aller chercher maintenant la première place. Demain, à Lille, à 21h, contre la Suisse, l'Euro, c'est unique sur RMC. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Et si on parlait véhicule d'occasion? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah ouais? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Jusqu'au 10 juillet, suivez tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 à la Fanzone Tour Eiffel, organisée par la mairie de Paris. Au programme, un écran géant, une fanzone connectée pour tout partager, des concerts, un village restauration, le pavillon de la ville de Paris, du baby foot et du e-sport. Entrée gratuite, toutes les infos sur paris.fr/UEFA Euro 2016. La Fanzone Tour Eiffel avec RMC, partenaire local de Paris Ville Haute. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Il est 7h10. Bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là. C'est le week-end des experts. Comme chaque samedi et dimanche, vous le savez, je suis accompagné des meilleurs experts de France. Le dimanche, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Ensuite, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, ce sera la maison avec Christian PC à partir de 8h. Et là, nous sommes au cœur de notre rendez-vous jardin avec Patrick Mulan. Patrick, place aux questions, bien entendu. Et nous accueillons Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick, bonjour François. Bonjour Hélène, bienvenue. On vous écoute. Alors j'ai eu quelques puissances sur les pieds de tomate. J'ai mis de la bouillie bordelaise, apparemment. Ça sert strictement à rien. La bouillie bordelaise, je l'ai dit avant de vous reprendre, ça n'a absolument aucun effet insecticide, c'est un fongicide, ça traite donc les maladies cryptogamiques, celles qui sont véhiculées par des champignons, et si on veut avoir un effet insecticide et qu'on travaille dans le bio, il faut utiliser des pyrèthres naturels. C'est le seul insecticide 100% naturel qui existe, mais la bouillie bordelaise, c'est strictement rien contre les pucerons. Ça, il faut pas confondre les produits de soins des plantes. Il y a certains qui sont insecticides, d'autres fongicides, d'autres herbicides, d'autres qu'on appelle rodenticides contre les rats et les souris, et des mollusicides contre les gastéropodes, à savoir les limaces. Donc là, il faut être vraiment dans des bonnes catégories, parce que sinon, vous travaillez pour rien. Mais c'est pas idiot d'avoir traité à la bouillie bordelaise les pieds de tomates, parce que en ce moment, ce que l'on a surtout à craindre sur les tomates, c'est le mildiou. Et le mildiou, lui, il est effectivement bien soigné par, enfin du moins, la bouillie bordelaise protège contre le mildiou. Donc c'est pas complètement inutile ce que vous avez fait. Et le purin d'ortie, alors? Le purin d'ortie n'est pas un produit de traitement. Le purin d'ortie est un engrais naturel, puisque en fait, quand on fait macérer des feuilles ou des tiges d'ortie, donc on obtient une décomposition de la partie organique. Après, on considère, alors honnêtement, ce n'est pas prouvé, mais tout le monde met ce produit sur un piédestal, donc on va imaginer que c'est plus ou moins vrai, mais on dit que ça a un effet éliciteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse en oligo-éléments et en diverses substances en toute petite quantité qu'il y a à l'intérieur de ces purins, d'une manière générale, sont des renforts de la résistance naturelle des plantes. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a étudié le phénomène, à savoir que tout comme nous, les plantes, alors, possèdent pas réellement des anticorps, mais utilisent certaines substances chimiques, d'ailleurs, hein, c'est de la chimie organique pour la plupart, mais c'est de la chimie quand même, utilisent ces substances pour se renforcer, pour avoir des tissus qui sont plus durs, pour sécréter certaines substances qui peuvent être répulsives par rapport à certains ravageurs, etc. Ce n'est pas encore totalement bien connu ni bien maîtrisé, mais on pense donc que le purin d'ortie favorise cela. Mais aujourd'hui, je dis bien on pense parce que les études que l'on a pu faire ne sont pas extrêmement précises par rapport à ça et ne montrent pas a priori grand chose, mais bon, pour, comme on travaille sur des quantités ou des dosages infinitésimaux, c'est quand même un peu difficile de le repérer, on va dire, avec les éléments qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Voilà, voilà Hélène. Genêt, le genêt, oui. Qu'est-ce qui se passe? Un genêt, alors, chaque année, plein de pucerons. Oui, alors, est-ce que ça abîme la plante? Voilà. Non. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que une attaque parasitaire, elle peut être très bien supportée par certaines plantes. Vous prenez par exemple les fèves ou les capucines. C'est toujours rempli de pucerons noirs, tout le temps. Bon. Est-ce que ça empêche la plante de se développer? Non. Après, vous avez certaines attaques de pucerons, par exemple sur les groseilliers, par exemple sur les racines de laitue, ou même parfois des grosses attaques de pucerons sur les rosiers, qui peuvent gêner vraiment la plante. Les pucerons, en plus, ont un gros défaut, c'est que ça véhicule les maladies à virus. Mais globalement, bon, moi ce que je fais, encore, je l'ai dit souvent, on taille, on coupe toutes les branches sur lesquelles on a les pucerons et on balance tout ça dans le barbecue, enfin sur un feu, et vous avez en grande partie éliminé. Donc sur les genêts, si vous ne voyez pas, disons, d'effets très néfastes, par exemple que la plante réduit sa croissance, qu'elle est un petit peu toute tordue, boursouflée, etc., il n'y a pas besoin d'intervenir. Si vous voulez intervenir, je vous ai donné tout à l'heure le truc, c'est l'épirètre naturel, hein, donc il y a des produits, je crois que ça s'appelle le sprusite, par exemple, voilà, c'est des pyrètes naturels autorisés en agriculture biologique et vous pourrez les utiliser tout le temps. Merci Hélène, et on enchaîne maintenant avec Liliane qui nous attend au 32-16 avant d'en trouver la météo, les infos de 7h. Bonjour Liliane. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute Liliane. Alors voilà, le souci est que nous avons des tournesols au balcon, ils sont magnifiques, et depuis quelques jours, les feuilles sont complètement boulottées par une bestiole, mais on n'arrive pas à voir ce que c'est. Il n'y a manifestement pas de chenilles, pas d'escargots. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. D'accord. Il y a des chenilles. Alors cette année notamment, ça a été grandiose sur les charmilles, sur les noisetiers, sur beaucoup d'arbustes. Toutes les feuilles sont en dentelle. C'est ça. Et on ne voit strictement rien. Pourquoi? Parce que ça se passe pendant la nuit. Oh, et dans la journée, dès qu'il fait jour, ils redescendent. Voilà, alors soit ils sont dans le sol, soit ils sont planqués à l'intérieur même de la plante, on ne les voit pas, etc. Donc, sur les chenilles, on a un traitement bio. Alors là, qui a l'avantage par rapport à celui dont je parlais au puceron tout à l'heure. Les pyrètes naturels ont un défaut, c'est que il tue tous les insectes, les bons et les méchants. Mmh. L'avantage du Bacillus thuringiensis, on appelle BT, c'est que lui, il agit sur les chenilles et pas sur les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, plein de coccinelles, etc. Vous mettez du BT, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est intéressant parce que là, manifestement, voilà, c'est très ciblé et manifestement, là, vous avez des problèmes de chenilles. Alors, comme je n'ai pas vu les symptômes, vérifiez quand même que sur vos feuilles, vous n'avez pas des traces un peu brillantes. Ça serait des limaces. Exactement, mon cher François, parce que pareil, les limaces, on ne les voit pas. La plupart du temps, elles sortent la nuit. Mais elles laissent quand même ces traces de leur présence. Et dans ces cas-là, bah, le BT ne ferait rien. Il faut mettre des anti-limaces. Encore dans le bio, on a ça, heureusement. Le ferramol, donc le phosphate ferrique, donne de très bons résultats. Vous restez avec nous. Merci en tout cas, Liliane. Patrick, bientôt 7h. La météo, les infos. Et on attaque notre deuxième partie dédiée au jardin avec toutes les solutions pour le désherbage. C'est vrai qu'en ce moment, avec le temps humide, on a beaucoup de mauvaises herbes. Comment les combattre? Et puis, interview exceptionnelle en toute fin d'émission. On a eu la chance avec Patrick de rencontrer Gérard Depardieu qui a une rose à son nom depuis quelques jours. À tout de suite après la météo des infos. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Belgique-Irlande. 18h, Islande-Hongrie. Et à 21h, Portugal-Autriche. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La météo avec Christine Peña. Bon, Christine, les week-ends s'enchaînent et se ressemblent, j'ai l'impression. Exactement, oui, pas de barbecue aujourd'hui, demain. Ah, demain? Demain. Et vous nous le garantissez? Je vous le garantis. Ah, ça c'est bien. Voilà, donc aujourd'hui donc c'est très très arrosé. Voilà, à acheter, faites les courses pour demain. Les températures sont fraîches, hein. Quelques valeurs aujourd'hui, là, ce matin, 8 degrés. Ce sont les derniers relevés de Météo France. À Nantes, 8 degrés à Nantes. À Bordeaux, 11 degrés à peine, comme à Rennes, à Tarbes. Nous avons à Clermont-Ferrand 12 degrés, Lille 13 degrés, 14 à Paris. Il fait meilleur à Toulon, 16 degrés. Et c'est en Méditerranée d'ailleurs qu'on aura les meilleures températures cet après-midi avec 25 degrés en Corse. Hein. Et sur le pourtour méditerranéen, le ciel va rester voilé. Là où il fera beau, c'est l'anticyclone des Açores. Là, il arrive en Bretagne, en Pays de la Loire, il casse tout. En Basse-Normandie, nous aurons du soleil. Et puis, sinon partout ailleurs, énormément de nuages avec encore de bonnes précipitations très soutenues. Et un temps très orageux et même de la neige en montagne sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres. Oui, nous sommes bien le 18 juin. Tout va bien. L'été arrive à partir de mercredi surtout. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix d'Europe. 15h, UEFA Euro 2016, Belgique-Irlande, suivi à 18h d'Islande-Hongrie. 20h45, rugby top 14, demi-finale Toulon-Montpellier. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Portugal-Autriche. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h. Et à 7h, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, le profil de Larossi Abala, un peu moins d'une semaine après son acte sordide, les enquêteurs avancent. Son lien avec d'autres terroristes sera établi. Pas de grande primaire des gauches, impossible à réaliser, mais plutôt une primaire des partisans du gouvernement. C'est ce que devrait annoncer le Parti Socialiste aujourd'hui. Et puis l'Euro de football, dernier match de poule pour les Bleus demain face à la Suisse. Le Portugal de Ronaldo doit également gagner aujourd'hui. Il est 7h sur RMC, bonjour à tous. L'Euro de football, pour commencer. L'Euro de football et sa face toujours aussi noire, une semaine pile après les violences dans le centre-ville de Marseille. D'autres supporters, ou plutôt pseudo-supporters, se sont encore illustrés hier soir. À l'intérieur des stades, cette fois-ci, ce qui pose pas mal de questions sur la sécurité, Anaïs Sens. Oui, la Croatie affrontait la République tchèque hier soir. Nous sommes à Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard et les supporters croates ont réussi à entrer dans l'enceinte avec au moins une dizaine de fumigènes. Des fumigènes craqués à la 86e minute de jeu, puis lancé sur la pelouse, obligeant l'arbitre à interrompre le match durant 4 longues minutes. Une bombe agricole explosera même au pied d'un stadier. En tribune, l'ambiance chauffe, des bagarres éclatent, une partie du COP croate est évacuée. L'Euro, de nouveau face au défi de la violence et de la sécurité, comment ces supporters ont-ils réussi à introduire ces engins pyrotechniques pourtant formellement interdits dans les stades? L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire, des incidents qui ont provoqué en tout cas la colère du sélectionneur croate. Ce ne sont pas des supporters mais des terroristes du sport, dit-il. Soirée entachée aussi à Nice hier, qui accueillait le match Espagne-Turquie. 3 fumigènes et 4 pétards ont été allumés dans la tribune turque. Triste bilan, 16 interpellations dont 11 espagnoles. Les précisions ce matin d'Anaïs Sens. L'Euro côté terrain cette fois-ci. L'Espagne, on en parlait, s'est positionnée en favori. Victoire 3-0 sur la Turquie. L'Italie également a gagné 1-0. Match nul de partout entre la Croatie et la République tchèque. Les Bleus, eux, prennent la direction de Lille aujourd'hui. Ils y affronteront la Suisse demain. Dernier match de poule avec le fil rouge en fait de la compétition jusqu'ici. Que faire de Paul Pogba, la star des Bleus? Pas au mieux. Il doit se réveiller, explique Jean-Michel Larquet. Demander à Pogba si ce qu'on lui dit, si ce qu'on lui explique, il l'a compris et il va le mettre en pratique sur le terrain. C'est-à-dire simplifier son jeu, prendre les risques quand il faut, être lucide, voilà, pas difficile. Des qualités de déplacement, de volume de jeu, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Pogba les a. Mais on peut pas faire n'importe quoi dans une équipe. Et jusqu'à présent, il a fait un petit peu à sa guise. C'est lui qui doit se mettre au service de l'équipe et non pas l'équipe qui doit se mettre à son service. Et aujourd'hui, 3 rencontres. Belgique, Irlande, Islande, Hongrie. Et puis ce soir, le Portugal de Cristiano Ronaldo n'a pas le droit à l'erreur. Après le match nul décevant face à l'Islande, c'est l'Autriche qui se dresse devant les Portugais et leurs stars qui doivent absolument s'imposer, Georges Quirino. Oui, car c'est surtout en dehors du terrain que Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer pour l'instant. L'Islande ne fera rien dans la compétition. Ils ont eu de la chance, a déclaré la star pleine d'arrogance. Son sélectionneur Fernando Santos l'a défendu hier, a rappelé son importance simplement. C'est le meilleur joueur du monde. Que dois-je dire de plus? Cristiano dit ce qu'il veut. Cristiano fait ce qu'il veut sur le terrain. Cristiano peut jouer n'importe où. Il n'a pas de poste concret. Il doit avoir une liberté totale. Alors même s'il n'a pas forcément été convaincant lors du premier match, les médias portugais ne sont pas tombés sur le triple ballon d'or. À demi-mot, ils reconnaissent attendre plus, oui, de celui qui va devenir ce soir, devant Luis Figo, le joueur portugais le plus capé de l'histoire, avec 128 sélections. Et le reportage de Georges Quirino, la suite de l'actu sport, le rugby notamment, c'est à la fin de ce journal. Au fil des jours, le profil de Larossi Abala s'éclaircit un petit peu. Le jeune homme qui a tué un couple de policiers lundi dernier, avait-il des liens avec un autre terroriste bien connu? C'est ce que croit savoir l'agence Reuters ce matin. Un lien serait établi entre Larossi Abala et Sid Ahmed Glam, présumé terroriste qui aurait voulu attaquer des églises d'Île-de-France et qui aurait tué Aurélie Châtelain à Villejuif en avril 2015. Mais alors qui est concrètement Larossi Abala? L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a pu le croiser lors de ses enquêtes. C'était quelqu'un d'hermétique, impossible d'ouvrir un dialogue. Lui, c'était complètement fermé, il répondait pas aux questions, il niait tout. Il était dans une position de fermeture totale et j'ai jamais pu trouver la clé, le petit espace pour avoir un échange, je dirais presque en être humain, quasiment. Et ça fait partie des personnes, j'en ai connu quelques-unes comme ça, où quand on a fini l'instruction, on se dit, nécessairement, on le reverra. Marc Trévidic, interrogé hier soir sur BFM TV, la menace terroriste, l'état d'urgence qui pousse certaines mairies à prendre des décisions plus qu'impopulaires pour leurs habitants. Nous sommes à Rambouillet dans les Yvelines ce matin. Là-bas, le maire a décidé d'annuler la fête de la musique. Les effectifs policiers sont trop épuisés pour assurer une vraie sécurité pour un tel événement. Voilà l'argumentaire qui ne convainc pas Julien, employé d'une brasserie de la ville. On est déçus, hein. C'est un des rares événements qui fait vivre le centre-ville de Rambouillet. C'est une des seules activités où il y a jeunes et où il y a du monde à Rambouillet. Donc là, que ce soit annulé, forcément, ça fait que, franchement, la fête de la musique, c'est notre plus gros service de l'année, et même d'un point de vue chiffre d'affaires, hein, forcément. On s'assoit sur une partie des bénéfices de ce soir-là. Après, dans le climat actuel, oui, c'est compréhensible, mais bon, après, je pense pas que Rambouillet soit particulièrement sujet à une menace terroriste. Dans toute la France, ça va être pareil, hein, de toute façon, maintenant. Qu'est-ce qu'on y peut? Le témoignage de Julien au micro d'Antoine Perrin. Trafic totalement interrompu cette nuit dans le port de Calais. En cause, plusieurs migrants aperçus en train de nager dans le port. Ils tentaient de rejoindre le quai d'embarquement pour monter dans un ferry direction l'Angleterre entre 2h et 3h30. Cette nuit, les ferries au départ sont donc restés à quai. Ceux en provenance de Douvres ont dû attendre au large de Calais. La politique ce samedi avec le Parti Socialiste qui tient son congrès et qui doit se mettre d'accord sur les modalités d'une primaire en vue de la présidentielle l'an prochain. La piste d'une primaire des gauches semble oubliée. Un scrutin entre proches, partisans du moins du gouvernement, semble plus plausible. C'est déjà un premier pas pour le frondeur Alexis Bachelet. Pour nous, c'est plutôt une bonne surprise. Effectivement, il faut après peut-être préciser les contours. Est-ce que ça veut dire qu'on acceptera aussi une pluralité de candidats issus du Parti Socialiste ? Moi, je souhaite éventuellement que ça crée une dynamique et que peut-être des gens se manifestent pour rejoindre et participer à cette primaire parce qu'on a besoin de ce débat à gauche et aussi de se rassembler parce que l'objectif des primaires, c'est pas seulement de débattre, c'est aussi d'organiser un rassemblement en vue de l'élection présidentielle. Alexis Bachelet interrogé par Rémi Barret. 7h07 sur RMC. Le rugby demi-finale de Top 14 et le Racing qui s'est qualifié pour la finale hier en battant Clermont. Aujourd'hui, deuxième rencontre entre Toulon et Montpellier. Duel de présidents, notamment Mourad Boudjelal face à Mouad Altrad, Laurent Depré, les présidents provocateurs. Ce n'est pas une nouveauté en Top 14. Oui, c'est vieux comme le rugby et l'histoire du progrès. Dans les années 30, un chapelier de Quillan, Languedoc, avait heurté le monde en recrutant les meilleurs joueurs pour devenir champion. Et il avait réussi. Précision, le professionnalisme était alors interdit. Dans les années 90, avec le Stade français, Max Guasini a bousculé les codes du rugby de papa. Strass, paillettes, éclairs, animation, glamour, avec succès et titres. Il y a 10 ans est arrivé à Toulon Mourad Boudjelal, président acteur, punchline, provocation, star, décalage et succès. Et depuis 2 ans, c'est Moed Altrad qui transforme Montpellier en cuirassé sud-africain en faisant fi du candidaton devant tant de mépris de la qualité du joueur estampillé France. Avec succès, réponse ce soir. Et puis l'athlétisme et les JO de Rio pourraient se jouer sans la délégation russe suite du scandale de dopage organisé au sein de l'équipe russe. La Fédération internationale de l'athlétisme a annoncé qu'elle maintenait ses sanctions prises en novembre dernier. Elle les maintient donc jusqu'à cet été. Décision très importante pour l'avenir de l'athlétisme. C'est l'avis de Bernard Emsenem, président de la Fédération française d'athlétisme. À l'unanimité, il faut le signaler, cette décision a été prise de suspendre la Russie pour les Jeux de Rio. C'était pour nous un problème de crédibilité. C'est une grande nouvelle pour la lutte antidopage. C'est une grande nouvelle pour l'athlétisme parce qu'on était montré du doigt depuis plus d'un an. J'espère que cette décision va faire prendre conscience aux autorités russes qu'il faut changer de système si un jour ils veulent retrouver les stades au plan international. Bernard Amselem interrogé par Maureen Lehoux, 7h08 sur RMC, François Sorel. La petite musique des courses est pour vous. Eh oui, tiens, c'est Quartier Quintet Plus cet après-midi à Anguin. Thomas et Sébastien Arras aiment beaucoup le 11 Geisha Sand et le 15 Orient Horse. Brahim Asloum nous conseille, lui, le 16 Peak Chronos. Et Laurent Godard, quant à lui, retient le 6 Four Pleasure As et le 14 Pingus Vang. Le 11, le 15, le 16, le 6 et le 14. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Il est 7h10. Bienvenue sur RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être venez-vous de nous rejoindre. Un week-end qui, vous le savez, comme chaque samedi et dimanche sur RMC entre 6 et 10, est dédié à vos experts préférés. Tout à l'heure, ce sera la maison entre 8h et 10h avec Christian PC. Comment protéger sa maison pendant les vacances? On verra qu'il y a évidemment plusieurs solutions. On fera le point avec nos invités, avec Christian, et vous pourrez bien sûr poser vos questions sur ce sujet. Comment sécuriser sa maison pour les vacances, tout à l'heure dans notre rendez-vous jardin, invité exceptionnel puisque Gérard Depardieu répondra à nos questions, Patrick, à l'occasion du baptême de sa rose, puisque ça y est, Gérard Depardieu a sa propre rose. Voilà, on a vu ça la semaine dernière, on a été dans son château de Tigné, très bel endroit, en Maine-et-Loire, magnifique là où propriété. Il a un grand vignoble, et on a pu apprécier la rose qui avait été créée par une rosieriste de Bois-Argental dans la Loire qui s'appelle Dominique Croix, donc une rose parfumée. Voilà. Un peu, moi j'ai trouvé un peu féminine. Oui, c'est vrai. Pour c'est vrai. Un colosse comme Depardieu, mais bon, voilà. Voilà, et à cette occasion, Gérard Depardieu a répondu à quelques-unes de nos questions. On vous diffusera cette interview exceptionnelle, exclusive, juste avant 8 heures. Mais d'ici là, du pratique. Patrick, puisqu'on va s'intéresser au désherbage. Alors du pratique et du saisonnier, parce que là, en ce moment, avec le climat que nous avons, on a une prolifération de développement. Alors on disait mauvaise herbe. Moi d'ailleurs, j'aime bien dire mauvaise herbe. Je trouve ça facile. Alors maintenant, c'est politiquement incorrect de dire mauvaise herbe. Il faut dire herbe sauvage indésirable. Il faut dire herbe folle. Il faut. Enfin, je trouve ça totalement stupide, mais bon. Herbe sauvage indésirable. Non, mais herbe sauvage indésirable, ça c'est clair. Mais c'est quand même plus long à dire que mauvaise herbe. Et puis mauvaise herbe, tout le monde disait ça. Oui, donc les mauvaises herbes, c'est pas qu'elles sont mauvaises. C'est pas forcément péjoratif en plus. Encore que, je veux dire, quand vous avez des ronces, moi je trouve ça plutôt mauvais dans le jardin parce que bon, même si les fruits sont très bons, quand vous prenez ça à la main ou les chardons, c'est quand même pas génial. Bon, peu importe. On va essayer d'être politiquement correct, enfin bien que on a aujourd'hui aussi des invités qui ne sont pas politiquement corrects. Je suis désolé. D'ailleurs, je vais les présenter tout de suite parce que bon, je suis ravi quand même parce que c'est un petit peu une fierté pour notre émission et pour la radio d'avoir avec nous Vincent Basselier aujourd'hui, puisque Vincent est directeur de la marque Roundup pour le jardin seulement ou pour tout ? Pour le jardin. Pour le jardin. Donc, bonjour. Bonjour Vincent. Donc chez Monsanto, Vincent, merci d'être là et bonjour parce que. Alors évidemment, c'est Roundup. C'est Roundup, c'est Monsanto, et Monsanto prend pas souvent la parole dans les médias, donc merci d'être là. Merci de m'accueillir. Et puis nous avons, pour lui donner un petit peu la réplique et pour avoir un peu toutes les orientations, toutes les sensibilités, on a Florent Roubinet, qui est un formateur environnement de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs, et qui travaille, je pense aussi, pour jardiner autrement. C'est ça, oui, le groupe de travail Ecophyto. Ecophyto. Donc vous êtes complètement l'un et l'autre dans le sujet, au cœur du sujet. D'ailleurs, on va pas parler que des désherbants. Le sujet de l'émission, c'est aussi le désherbage. Le désherbage, tiens d'ailleurs, messieurs, le désherbage, c'est nécessaire, c'est utile quand même, Florent. C'est utile, oui. C'est utile, ça dépend. Avant, je pense qu'avant de parler, de dire que c'est utile, il faudrait peut-être prévoir les espaces différemment. Avant de dire que systématiquement c'est utile de désherber, on a. Dans un jardin, moi je trouve que c'est quand même utile. Moi j'ai pas envie d'avoir des herbes partout. Enfin, bon, par exemple, quand on a une courette et qu'on voit, je sais pas, tout qui pousse comme ça au milieu de ces gravillons, quand on a des massifs. Tiens, j'ai vu juste à côté de chez moi, on a oublié. Enfin, l'entretien n'est pas passé. On voit plus les rosiers, il n'y a plus que des liserons. Enfin, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même utile pour avoir quand même un jardin qui ressemble à un jardin. C'est un problème de conception d'espace, souvent, au départ. C'est-à-dire que ce soit dans l'ornemental ou dans le potager, on laisse de la place pour ces plantes-là aussi. C'est-à-dire que dans la conception, dès le départ, on n'a pas pensé que ces plantes pourraient s'installer. Donc il faut aussi concevoir des espaces plutôt pleins, remplis. J'invite les jardiniers, quels qu'ils soient, y compris au potager, d'optimiser leur espace aussi. De serrer les plantations ? Les serrer dans la juste mesure, mais de laisser la plante s'épanouir, mais de remplir l'espace. Souvent, il y a de la place dans le jardin potager particulièrement qu'on maîtrise. Il y a des trous. Bah oui, on n'occupe pas toute la place pour plein de raisons. C'est-à-dire que d'abord, je sais pas, si on veut des choux d'une certaine taille, on peut pas les planter tous les 10 cm. Il faut que... Non, mais on peut accompagner ces choux d'autres choses qui occuperont l'espace momentanément. Et qui les gênent pas. La rotation de culture, l'association de culture, tout à fait. Bien sûr, ça s'associe tout à fait avec des végétaux. Donc on a aussi des opportunités de concevoir les espaces différemment. Mmh. Et puis, le côté propre, qui revient sans arrêt dans le mot de jardinage, y compris dans le jardinage potager, qui ont même permis de créer des règles intérieur sur la propreté des jardins, ça c'est assez problématique aussi, puisque du coup ça incite. Mais ça c'est une question de point de vue. Moi je suis désolé, mais j'ai envie que mon jardin soit propre. Vincent, c'est peut-être aussi un peu votre opinion. Oui, en fait c'est l'opinion d'un certain nombre de jardiniers. Je pense qu'il y a, en fait, il y a pas un jardinier. Il y a des différents types de jardiniers. Qui veulent avoir des jardins très propres. Donc sans mauvaises herbes, ils ont envie d'avoir des plantations qui poussent bien et donc qui sont pas concurrencées par les mauvaises herbes. Des allées par exemple, des allées ou des terrasses qui peuvent être envahies de mauvaises herbes. Et donc dans ces cas-là, évidemment, les désherbants sont une des solutions. Alors évidemment, on va parler de ça jusqu'à, on va dire 8h moins le quart, 8h moins 10. vous avez des questions sur ces mauvaises herbes, parce que vous êtes envahi de mauvaises herbes, parce que vous voulez désherber, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, c'est le moment ou jamais d'appeler, hein, les amis, le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. On va revenir dans un petit instant et poursuivre sur ce débat, parce que c'est vrai que voilà, désherber, c'est, et surtout quelles sont les mauvaises herbes, comment les détecter, est-ce que c'est facile à enlever manuellement, quelles sont les diverses méthodes qui sont à notre disposition. C'est ça, hein. T'avais pas lesquels, quand on parle des liserons, moi, il a fallu des années pour que j'en ai plus beaucoup dans le jardin. Voilà. On va en tout cas revenir sur tout ce, sur toutes ces questions dans un instant. Le 3216, jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC. Après la deuxième victoire consécutive de Lewis Hamilton, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Bakou pour le Grand Prix d'Europe. Aujourd'hui à 14h, les qualifs, et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Et si on parlait véhicule d'occasion ? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures ! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-Occasion.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous allez être vert. Ah oui, et vert comment ? Ben, vert courgette, parce que là chez Lidl, ils nous mettent le kilo de courgette Origine France à 99 centimes. 99 centimes le kilo de courgette Origine France ? Moins d'1€ ? Non mais ça va encore durer longtemps. Longtemps ? Ben aujourd'hui patron, moins d'1€ le kilo. Ah là ils y ont fort hein. Oh là t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ses courgettes, ok ? Ok patron, on est mal, on est très très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 14-21, origine France. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire, pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui, plus d'infos sur Free.fr ou 10-44. Merci Free. Pendant l'Euro, il y aura 72 goals, 192 défenseurs, 144 milieux de terrain et 144 attaquants. Tous ces joueurs joueront dans la même équipe. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Heure 18, le retour du week-end des experts, le jardin, on désherbe ce matin, voilà. ou pas. Alors, on va voilà, voir après ça. Si effectivement on désherbe, comment, avec quoi. Pour l'instant je dirais quand même il faut un peu poser le problème, parce que bon, les plantes sauvages, donc on n'a pas invité dans notre jardin, puisque en fait on s'est approprié l'espace, on dit c'est chez moi, je veux y mettre ce que j'ai envie, et du coup tout ce qui vient et que j'ai pas invité, j'en veux pas. Bon. Ben, y a quand même un autre problème, c'est que ça prélève l'eau, la nourriture, la lumière, au détriment justement des espèces que l'on a introduites, que l'on a payées, parfois ça coûte un peu cher, et que l'on veut voir prospérer. Dans les potagers, on a aussi le problème du rendement, c'est-à-dire qu'on fait pas des tomates ou des salades ou des choux pour en avoir des tout petits, on essaye d'avoir une belle récolte. Bon, après, on a l'aspect esthétique, ça c'est... À revoir, il y a des très jolies mauvaises herbes, entre guillemets, même les chardons peuvent être très très jolis. Mais quand il y a des herbes folles, notamment dans les allées, dans les cours, etc., ça fait quand même un peu un aspect négligé et qui n'est pas tout à fait toujours acceptable. Après, je dirais aussi, vous pouvez être gêné simplement par la prolifération des herbes. Si vous tondez pas, par exemple, vous pouvez pas jouer au foot ou les enfants sont pas forcément dans des conditions sympas. Si vous avez des plantes sauvages piquantes et que vous avez des gosses qui jouent dans le jardin, c'est pas trop trop bien. Et puis derrière ça, vous avez quand même, alors ça aussi écologiquement ça se discute, mais les plantes sauvages, elles sont les hôtes naturels de tas d'insectes. des bons et des méchants. Et oui. Enfin, ou des bons et des pas gentils. Eh ben, donc du coup, on sait quand même qu'il y a plus de 200 plantes différentes sur lesquelles on a des insectes qui viennent se nourrir. Est-ce qu'on a envie aussi d'attirer tout ça? Je suis pas trop sûr. Voilà. Patrick. Ah bah tiens, on a quelqu'un qui nous appelle. Et oui, et les orties, c'est le gros souci de Julien. Me faire des purins. On va voir ça tout de suite avec lui. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Julien, bienvenue. Bienvenue sur RMC. Alors. Bonjour, bonjour. Alors racontez-nous, comment est votre jardin? Mon jardin, il fait 700 mètres carrés. Oui, voilà. Voilà, donc, et je suis envahi d'orties. Bah, ça, vous avez, il y a une bonne nouvelle, Julien. Alors, une très bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous avez un très bon sol. Oui, ça j'ai un très bon sol. À savoir que j'en ai laissé pousser quelques-uns parce que je suis apiculteur et que les abeilles aiment bien aller se nettoyer sur les orties, mais depuis je suis envahi. Les abeilles aiment bien se nettoyer sur les orties, c'est ça? Oui. Expliquez-nous ça. Ben elles vont se frotter sur les feuilles des orties et ça les nettoie. Ça les pique pas? Ah ouais, et nous ça nous pique et pas elles. Non. Tiens. Elles ont des gros poils. C'est un peu leur douche. C'est rigolo ça. Bah oui, bah ça c'est le problème, je pense, hein, Florent, de l'équilibre entre ce que l'on accepte et ce que l'on peut pas accepter. Ouais, complètement. Je confirme que c'est une bonne nouvelle que l'auditeur ait des orties, parce que le sol est riche, a fortiori. Après, l'ortie, au-delà de ça, bon, il faut la canaliser. Elle se canalise quand même pas, c'est assez facile quand même de la canaliser. Et c'est surtout l'hôte de plein d'animaux qui sont utiles. Alors, par exemple, les papillons se nourrissent beaucoup d'orties. Enfin, les chenilles des papillons. Alors après, la question, c'est que le papillon adulte est pollinisateur. Et sa chenille, elle est herbivore. Voilà, on a un vrai problème au jardin avec ça. C'est quand même ça. Et donc, vaudrait mieux qu'on accueille les chenilles qui se nourrissent d'orties plutôt que les chenilles qui se nourrissent de nos plantes cultivées. Ouais, mais enfin bon, honnêtement, dans 700 mètres carrés, ça c'est aussi une question de dimension de jardin. Dans 700 mètres carrés, avoir un bouquet d'orties, enfin, ou plein d'orties, c'est quand même pas très acceptable, alors que si vous aviez 7 hectares, on pourrait le faire plus facilement. Donc, ce que vous voudriez savoir, Julien, c'est comment on va bloquer tout ça. Et puis canaliser peut-être. Bon, avoir oui, un angle. Voilà. Le problème de l'ortie, c'est une plante vivace avec une souche rhizomateuse. Donc ça veut dire que elle fait des sortes de tiges souterraines qui bourgeonnent en permanence. Et effectivement, quand vous avez deux orties au départ, bah, vous en avez 2 mètres carrés. D'accord. En fin de saison. Vous vouliez préciser quelque chose, Julien, je crois. Non, je voulais savoir quel était le moyen de limiter la prolifération de l'ortie, justement. Mais apparemment, j'ai eu la réponse avec je savais pas que c'était une plante rhizomineuse, donc... Rhizomateuse, bah oui, c'est son problème, c'est comme le chien dent, c'est comme... Bon, le liseron, c'est pas rhizomateux, mais ça fait énormément de grosses racines. Toutes les vivaces dans un jardin, c'est plus problématique. Alors, Parce que sur 700 mètres, les arracher comme ça à la main, il y en a pour un moment, hein. Mais je pense qu'il y en a quand même pas sur les 700 mètres carrés, Julien. Non, mais il y en a quand même pas mal, et j'ai des enfants, et voilà. Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'en les fauchant, régulièrement, mais dans ces cas-là, vos abeilles ne pourront plus en profiter, bah, vous allez forcément réduire leur végétation et les empêcher de pousser. Après, on peut prendre les moyens drastiques, et Vincent, on peut utiliser des herbicides. Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est face à des herbes vivaces, ce que vous disiez avec des rhizomes, tant qu'on ne retire pas la racine, en fait, ça repousse. Donc, si on ne retire pas toutes les racines, ça va repousser encore. En permanence. Voilà. Donc, on peut évidemment conserver une petite partie d'ortie dans un coin de son jardin, mais là où se passent ses enfants, effectivement, beaucoup de jardiniers souhaitent les retirer pour éviter que ça pique. Et Florent, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour qu'on limite la prolifération des orties? Moi, techniquement, c'est assez simple. Un outil mécanique, une tondeuse ou une débroussailleuse permet tout à fait de contenir ça. Oui, pour les tondre tout le temps. Quoi. Oui, elle les épuiser aussi. Enfin, à un moment donné, la photosynthèse, elle se fait pas. Donc, si elle ne se fait pas, il y a aussi une limitation. Et c'est important aussi de les plantes rhizomateuses. Si même certains essayent d'utiliser un outil mécanique, ça pose un autre problème. Mais si vous avez des orties dans un potager, on ne passe pas la motobineuse, parce qu'on fait de la bouture d'orties ou de rhizomes, hein, d'autres espèces. Donc ça, c'est important. Après, il y a une chose, hein, c'est aussi, je me demande si en chaulant, en augmentant le pH du sol, on va pas réduire les conditions. Parce qu'elles vont pas se sentir bien, là.

Un coup d'œil sur la météo de votre week-end maintenant sur RMC avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François, bonjour à tous. L'abus de pluie finalement ne nuit pas, l'eau, hein, trop plein. En tout cas, on en aura encore. C'est la dernière journée où nous aurons autant de pluie soutenue encore de Midi-Pyrénées à l'Auvergne, à la Bourgogne, la région centre, sur Paris également, jusqu'aux frontières belges. Nous avons une journée très orageuse encore. Le pourtour méditerranéen, le ciel reste voilé avec du vent. Et puis sinon, l'anticyclone Salier, il arrive, il a du mal à arriver. En Bretagne, en Pays de la Loire, Basse-Normandie, c'est là où le soleil sera le plus franc. Et puis les températures toujours aussi basses. Nous aurons 17 à Tarbes comme à Lille, 19 à Paris, à Montauban, à Biarritz, à Nancy, 20 degrés à Bordeaux comme à Strasbourg et Lyon, et jusqu'à 25 en Corse. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'était RMC. 7h31, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. L'enquête, un peu moins d'une semaine après l'acte sordide de la Rossiya Bala, l'enquête est, selon l'agence Reuters, les policiers ont établi un lien entre le terroriste et Sid Ahmed Glam et la Rossiya Bala. Sid Ahmed Glam, c'est ce franco-marocain qui envisageait d'attaquer des églises d'Île-de-France. Hier, une cérémonie d'hommage national était organisée dans les Yvelines, hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, ce couple de policiers assassinés par le terroriste lundi dernier. La politique ce samedi, certains voulaient une primaire de toutes les gauches. A priori, c'est raté. Conseil national du PS aujourd'hui. Et dans Libération ce matin, le patron du parti, Jean-Christophe Combadélisse, dévoile ses intentions. Une primaire aura bien lieu, mais une primaire entre proches du gouvernement. Grève reconduite chez Air France. Le principal syndicat de pilotes annonçait hier soir grève du 24 au 27 juin prochain. Mouvement pour défendre l'emploi et les rémunérations. L'Euro de football avec l'Espagne qui a frappé fort hier soir. 3-0, victoire face à la Turquie. L'Italie aussi a gagné 1-0 face à la Suède. De partout entre la Croatie et la République tchèque. Hier soir, 16 personnes ont été placées en garde à vue à Nice en marge du match Turquie-Espagne. 11 ultra-espagnols ainsi que 4 Français supporters turcs qui sont entrés dans le stade avec des fumigènes. Et puis à Saint-Etienne, au stade Geoffroy Guichard, match interrompu hier soir encore une fois à cause de fumigènes. Match interrompu entre la Croatie et la République tchèque. Aujourd'hui, 3 rencontres. Belgique-Irlande, Portugal-Autriche et Islande-Hongrie. Prochain rendez-vous avec les Bleus demain face à la Suisse pour le dernier match de poule. Et puis le rugby, demi-finale de Top 14 ce week-end, demi-finale entre Toulon et Montpellier aujourd'hui. Hier, le Racing a validé sa place en finale en battant Clermont. 7h32 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel. Messieurs, votre jardin. Et oui, et on enlève les mauvaises herbes ce matin. Excellente idée. Thomas. Et on vous retrouve tout à l'heure à 8h pour un prochain point sur l'actualité. Le 32-16 pour nous joindre au jardin@rmc.fr. A tout de suite. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Il est 7h33, merci d'être là. Je vous rappelle que dans une vingtaine de minutes, Gérard Depardieu répondra à nos questions. Gérard Depardieu qui a sa rose depuis quelques jours. On a eu l'occasion de le rencontrer samedi dernier au château de Tignes. Interview exceptionnelle de Gérard Depardieu. Ça sera aux alentours des 8h-10 sur RMC. Restez donc avec nous. Mais d'ici là, Patrick, en compagnie de nos invités et de vos témoignages, vous qui nous écoutez, hein, eh bien on évoque les mauvaises herbes et le désherbage. Mais quand on parle de désherbage, on parle aussi bien sûr de désherbant. On va essayer de clarifier un peu la situation à ce niveau-là, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le directeur du Roundup Jardin, Vincent Basselier, et puis on aura Florent Roubinet, donc de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, qui pourra donner aussi son avis. Moi, j'ai envie de poser la question directement à Vincent. Le glyphosate est-il vraiment un produit dangereux, puisque l'été dernier, le CIRC, c'est-à-dire donc une instance de l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, avait décrété que c'était un produit cancérogène probable. Donc depuis, il y a eu évidemment énormément de remous autour de ça. Et qu'en est-il exactement, Vincent? Vous qui êtes, je dirais pas les deux mains dans le Roundup tout le temps, mais presque. Non, pas les mains, mais donc non, le glyphosate n'est pas cancérigène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un produit phytosanitaire, pour être homologué, doit passer un certain nombre de tests, des tests d'efficacité, de toxicité, d'écotoxicité. Donc, et ça se fait au niveau européen d'abord, puis ensuite au niveau des pays. et puis des États membres. Et ensuite, on a en France une homologation qui est spécifique pour les jardiniers amateurs. Voilà. Et donc, tous les produits qui sont toxiques ou qui pourraient être potentiellement cancérigènes ne peuvent pas arriver sur le marché. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, il y a une réévaluation de scientifique, justement, du Roundup, et que, a priori, il y a des interrogations. Alors, est-ce que c'est que de la politique? Je sais pas. Mais le 6 juin dernier, les États membres n'ont pas atteint la majorité pour la prolongation, donc, de l'accord d'autorisation de vente du Roundup, enfin, pardon, du glyphosate, soyons clairs. Et, a priori, cette molécule est autorisée jusqu'au 30 juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que l'on est? Parce qu'on a eu aussi Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, qui a décrété l'antenne d'une radio, je sais pas si c'est la nôtre, que c'était un produit qui perturbait, enfin, qui était un perturbateur endocrinien, et donc qu'elle s'opposerait à la vente du Roundup sur la France. Donc, on sait pas trop où on va, là. Alors, en fait, l'ANSES a été très clair là-dessus. Et ça, c'est dans un avis de février dernier. L'ANSES, c'est l'organisme qui s'occupe de réglementer en fait les autorisations et qui émet des avis sur les. C'est l'Agence européenne de sécurité des aliments. C'est non, pas ça alors non. Ça c'est l'EFSA. Ça c'est l'EFSA. C'est au niveau européen. L'ANSES c'est au niveau français. D'accord. Voilà. Et ils ont conclu que le glyphosate n'était pas un perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est un organisme officiel. Oui. Ce sont les autorités qui régissent. De l'autre côté, on a notre ministre de la Santé qui dit ça l'est, et donc qui a tout pouvoir pour dire je l'interdis. Mais si elle le dit, c'est qu'elle se base sur une étude, non? Non, et pour l'instant, il n'y a rien de. On ne sait pas d'où ça sort. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'ANSES a rappelé, je crois que c'est un avis du 9 février 2016. Que le glyphosate n'avait pas de potentiel perturbateur endocrinien. Alors comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation politique paradoxale puisque le 6 juin dernier, donc l'Allemagne, la France, l'Italie, la Grèce, l'Autriche, le Portugal sont abstenus de voter. Alors c'est vrai que ils n'ont pas dit non, ils se sont abstenus simplement et donc il y avait un seul État tout petit mais qui a voté contre, c'était Malte. Donc c'est que de la politique tout ça ou il y a quand même quelque chose derrière ça? Enfin, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, il faut comprendre que depuis 40 ans que le glyphosate existe, il a été homologué dans tous les pays et toutes les instances réglementaires de tous les pays ont estimé que le produit n'était pas cancérigène. C'est la raison pour laquelle ils ont donné des autorisations. Voilà. Donc c'est un produit, je voudrais juste rappeler que c'est quand même un produit qui est extrêmement utile aussi bien pour les agriculteurs que pour les jardiniers puisqu'il permet de se débarrasser des mauvaises herbes qui sont envahissantes dans ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont envahissantes dans le jardin qui parfois peuvent soit dans le cas du lierre détruire les murs, soit dans le cas des herbes invasives de se répandre partout dans le jardin, qui peuvent concurrencer les cultures également. Alors, de temps en temps, on a des remontées, on a retrouvé du glyphosate dans de l'eau, enfin ou dans des nappes phréatiques, etc. Comment est-ce possible? Alors, on peut en retrouver dans des rivières, parce que lorsqu'on en utilise, forcément, lorsqu'il peut y avoir des ruissellements après une pluie, après un traitement, on peut en retrouver dans l'eau. Oui, mais ça, on dit quand même qu'il faut jamais traiter avec un désherbant ou même un produit phytosanitaire à moins de 5 mètres. Oui, voilà. Enfin, moi, j'allais dire même une dizaine de mètres d'un point d'eau. En plus, le glyphosate, c'est quand même un produit qui se détruit relativement rapidement. Oui, absolument. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on met en place le glyphosate est un produit chimique. D'accord. Donc c'est un produit qu'il faut utiliser avec précaution. Et à partir du moment où on prend ces précautions, on limite considérablement l'impact sur l'environnement. Donc faut bien respecter les modes d'emploi. Je voudrais quand même que c'est comme tous ces produits efficaces de toute façon, il faut bien respecter les doses. Vous avez raison, François. Il faut quand même être clair. À partir du moment où on veut un effet. On peut pas avoir du petit lait. C'est pas possible, par exemple, alors de tuer des insectes, de soigner des maladies ou d'éliminer des mauvaises herbes, de tuer des rats avec un produit qui serait de la poudre de perlimpinpin. Il y a forcément une action. Après, évidemment, il y a des précautions d'emploi. Et surtout, j'insiste aussi sur le dosage. Ça, il faut respecter, mais de façon scrupuleuse, les concentrations. Le mieux, c'est d'utiliser du prêt à l'emploi, parce que c'est déjà dosé à la bonne dose. Là, on fait pas d'erreur. On n'a pas de manipulation directe du produit. Et puis après, bon, bon, moi je voudrais quand même demander à Florent ce qu'il en pense, quelle est sa position. Un prêt à l'emploi, d'accord, mais si les gens reviennent en mettant plusieurs pulvérisations à la suite sur le même truc, ils dépensent quand même une quantité plus importante de substances actives au mètre carré. Donc, après, il y a aussi ceux qui l'utilisent avec un pulvérisateur classique et qui ne connaissent pas la dose que va dépenser leur pulvérisateur. Et puis si on est pressé et que ça marche pas tout de suite, on va en remettre une couche, enfin voilà, non mais c'est toujours exigeant, donc Globalement comment ça marche en fait ce produit là, qu'est-ce qui va se passer? C'est absorbé par le feuillage, c'est un produit systémique, c'est absorbé par le feuillage et véhiculé jusqu'aux racines. L'avantage, et ça met combien de temps à être efficace, la plante va mourir au bout de combien de jours? Ça dépend la formulation. Ça dépend de la formulation qu'on a. Le Roundup classique, on voit pas avant au moins 48 heures, voire un peu plus, l'effet. Mais il y a un Roundup Express, je crois. Voilà, donc ça dépend des formulations, en fait. Ça peut être entre une semaine et 15 jours, pour des formulations assez traditionnelles. Et puis, il y a des formulations qui sont plus rapides. Plus concentrées, peut-être. Voilà. Non, au contraire. Mais qui permettent, d'avoir des effets en quelques heures. Des adjuvants. Voilà. Et c'est pour ça que ces produits sont particulièrement intéressants, parce qu'ils rassurent les jardiniers sur l'efficacité. Donc évidemment, ils en mettent une fois et l'efficacité est assez rapide. Voilà, donc encore une fois, il faut surtout pas surdoser parce que ça ne sert à rien, c'est totalement inutile. Et donc on mettrait plus de matière active qu'il en faut. Je voudrais en profiter pour rappeler quelques règles de bonne pratique, parce que ça c'est essentiel pour bien utiliser les produits. Donc les règles de bonne pratique, elles sont au nombre de trois. C'est le bon produit au bon endroit, au bon moment et avec la bonne application. Alors le bon produit au bon endroit, c'est évidemment traité à plus de 5 mètres d'un point d'eau, évidemment, pour éviter que le produit se retrouve. Ensuite, au bon moment, c'est-à-dire un jour qui est sans vent et sans pluie, sans risque de pluie, c'est un peu compliqué. 6 heures sans pluie, 5-6 heures. Voilà, minimum. Voilà. L'idée, c'est d'avoir 6 heures sans pluie pour que ça puisse s'intégrer. Et puis enfin, je termine par la bonne application. La bonne application, c'est utiliser un pulvérisateur qui va permettre de mettre moins d'eau sur la plante, donc plutôt qu'un arrosoir, ce qui était fait dans l'ancien temps. Et puis, utiliser des gants et des bottes, tout simplement. D'accord. Alors, nous avons deux témoignages. On va écouter d'abord la question de Nelly, puis après, nous aurons Cédric. Bonjour Nelly. Bonjour, messieurs. Merci de prendre mon appel. On vous écoute. Oui, voilà. Ben, écoutez, nous avons un grand jardin et avec mon mari, on s'épuise régulièrement toutes les années à éliminer les épillés. Alors, mon mari, à un moment, utilisait évidemment le Roundup. Donc, on a préféré après ne plus l'utiliser parce qu'on avait fait le lien avec un de nos chiens qui est décédé d'un cancer des vessies. Bon, je ne mets pas en cause là sur l'antenne le Roundup, mais on avait fait le rapprochement. Actuellement, voilà, les épillés, à part les arracher régulièrement où on s'épuise, avec des problèmes pour nos chiens qui peuvent se retrouver chez le vétérinaire fréquemment parce que les épillés rentrent entre les coussinets et les oreilles. Bien sûr, ouais. Alors, comment on peut l'éliminer de façon, naturelle, à part l'arrachage? Raisonné, on va dire. Voilà. Alors, les épillés. Ce que vous appelez les épillés, ce sont des graminées parce que botaniquement, un épillé, c'est la floraison de la graminée, avec effectivement souvent des petites barbes qui peuvent se planter dans les coussinets des chiens ou même dans les oreilles aussi. Il n'y a pas de solution miracle, Florent. Arracher, tondre. Voilà. Oui, alors ça c'est peut-être la tonde, c'est peut-être une bonne chose, c'est-à-dire que d'empêcher déjà ces graminées d'arriver au stade de la floraison. Là, si vous avez que l'herbe, déjà, c'est déjà plus agréable. Ça, c'est important de façon générale, aussi sur la gestion des soi-disant mauvaises herbes, c'est-à-dire que connaître le cycle du végétal, ça, c'est quelque chose qui a disparu aussi. On n'attend pas que ça monte en graines pour s'en occuper. Toute herbe indésirable doit être soit tondue, soit arrachée avant d'avoir fleuri et surtout d'avoir fait ses graines, parce que sinon, il y en a partout. Mais dans le cas de Nelly, bon, après, il y a un herbicide qui est bio, entre guillemets, qui s'appelle le Final 100, qui est à base d'acide pélargonique. Il y a aussi l'acide acétique. Simplement, ça brûle la surface de l'herbe. Si c'est des épillets, donc si ce sont des graminées vivaces, ça va rien faire du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça va revenir aussi, ou pas aussi vite, mais un mois après, vous en aurez de nouveau. Parce que le problème, excusez-moi, oui, pardon, le problème, c'est que tant qu'on ne tue pas la racine, bah forcément, ça repousse. Ça repousse, voilà, effectivement. Sur les vivaces, ouais. Ouais. Nelly nous parlait tout à l'heure de son chien qui est mort d'un cancer de la vessie parce qu'elle utilise du Roundup. Et est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Bah elle dit qu'elle n'en sait rien, qu'elle a mis le parallèle. Je sais pas, Florent. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur le produit d'ailleurs. Ouais, non. Bah sur le produit, moi, je l'utilise pas et je fais tout pour pas l'utiliser. Vous l'utilisez pas parce que vous avez des raisons de pas l'utiliser? Alors d'abord parce que je crains vraiment pour ma santé, clairement, sans faire de lien de cause à effet direct entre la mort d'un chien, etc., etc. Je pense qu'à partir du moment, alors moi, j'ai un point de vue très très particulier, c'est-à-dire si à partir du moment où un produit tue un être vivant, quel qu'il soit, et surtout quand il a été testé sur des animaux en laboratoire et qu'il arrive à en tuer, on appelle ça la dose létale 50. Ça, c'est une partie des tests qui est faite sur les produits chimiques. Je suis très inquiet sur ce que ça peut devenir pour n'importe quel autre être vivant comme nous et nos animaux de compagnie, par exemple. Donc, on utilise dans la vie commune des tas de trucs qui nous tuent. Le sel, même le café, c'est très toxique. Ouais, enfin, le chien, il a rien demandé, le pauvre. Il n'est pas mort. Non, question, c'est ça. Vous savez que les plantes. Ce qui peut avoir un lien de cause à effet. Pardon François, mais la totipotentialité des plantes, c'est-à-dire que la capacité qu'a une plante avec quelques cellules de se reconstruire à nouveau comme plante entière, ça c'est une magie de du végétal. Si on arrive à tuer des plantes qui sont totipotentes, qu'est-ce qu'il en est de nous qui ne le sommes pas? Voilà. Principe Cédric, de précaution. Alors on reste toujours un peu dans cette polémique avec Cédric qui voulait témoigner. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric, bienvenue avec nous. On vous écoute Cédric. Alors moi je voulais simplement dire quand même, je suis agriculteur, je suis utilisateur de glyphosate, et on peut pas dire que pour l'utilisateur le glyphosate c'est sans danger, hein. Il y a un vrai risque pour la santé. Après l'interdire, je suis pas d'accord parce que derrière il y a des vrais enjeux pour l'agriculture, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des mauvaises herbes même avec ça qui arrivent à résister à tout à n'importe quel produit. Alors par exemple quel type de plante Gras résistants qu'on a du mal à détruire sur des cultures d'automne, ça devient des fois compliqué. Alors après, moi ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ANSE qui s'occupe d'homologuer ou non les produits. Et, Vincent en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui se permettent de légiférer sur des homologations de produits phytosanitaires. On peut voir. C'est le Roundup. Hier, c'était les diméthoates où Stéphane Le Foll a arbitrairement interdit le diméthoate, se mettant en même temps. Le diméthoate, c'est un insecticide, il faut le préciser. Voilà, mettant en danger la filière cerise en France, parce que demain, tous les autres pays d'Europe ont interdit le diméthoate sous réserve de risque pour la culture. Ça veut dire qu'en gros, personne ne l'a interdit, mis à part la France. Et on peut voir aussi sur le gaucho, les néo... Les néonicotinoïdes, oui. Les néonicotinoïdes que le gouvernement veut interdire par la voie politique, en fait. C'est-à-dire que, Cédric, pour résumer, parce qu'on n'a plus trop de temps, vous dites, oui, on est conscient que certains de ces produits sont nocifs pour la santé, mais il ne faut pas les interdire parce que, vous, ça mettra en péril vos récoltes. Voilà, et que, surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est pas aux politiques d'autoriser ou non la mise en marché de produits phytosanitaires. Il faut bien que quelqu'un décide de quelque chose, c'est ça que je veux dire. Pour ça, il y a un organisme avec des scientifiques qui est fait pour ça. D'accord. C'est chacun son métier. Hein. C'est pas un politique demain qui va autoriser ou non la mise en marché du Doliprane, quoi. D'accord. Malheureusement. Bah oui, c'est comme ça. Merci Cédric en tout cas pour ce témoignage. Merci aussi à nous inviter à Vincent Basselier, qui est venu débattre ce matin. Rappelons que vous êtes le directeur de la marque Roundup et Florent Roubinet aussi. Merci à vous. Je voudrais juste rajouter un dernier point, c'est que aucun lien n'a jamais été établi entre glyphosate et un problème de santé. D'accord. C'est important de le rappeler tout de même. Merci. Patrick, on revient dans un instant et on va terminer ce rendez-vous avec, comme promis, l'interview exceptionnelle. Gérard Depardieu qui va nous parler de sa rose puisqu'il a une rose à son nom depuis quelques jours. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Et si on parlait véhicule d'occasion? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah ouais? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1 euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault-occasion.fr. Maman, je peux partir en week-end chez Victor? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie? T'inquiète, je l'ai et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un œil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés. Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Et encore des pépins pour notre pomme, c'est ça? Pas des pépins patron, des noyaux et des gros hein. Aujourd'hui chez Lidl, ils font la barquette d'un kilo d'abricots Origine France à 1,99€. 1,99€ la barquette d'un kilo d'abricots Origine France, t'es sûr? Ah, sûr de chez sûr, patron. Là, avec les abricots en barquette, sûr qu'ils vont faire un carton. Et sûr que toi, tu vas avoir des pépins, toi, et des gros. On est mal, je sais, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-40, Origine France. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Voilà, ce week-end des experts qui se termine, notre rendez-vous jardin. Comme promis, nous avons rencontré il y a quelques jours avec Patrick Mulan Gérard Depardieu dans son château, au château de Tignet, à l'occasion de sa rose. Et nous lui avons demandé s'il était surpris qu'on crée une rose. Gérard Depardieu, écoutez. C'est une surprise, oui. On fait pas une rose comme ça. Ça prend du temps. Ils ont dit que ça prenait 10 ans. Vous qui avez pratiquement eu tous les honneurs déjà, nous dans le jardin, une rose, c'est le maximum de ce qu'on peut espérer. Non, je pense que ce que le professeur a dit sur la génétique d'une rose, d'une fleur, c'est très intéressant. Parce que d'essayer de travailler autour d'une esthétique, d'une beauté, et puis... On ne sait jamais quand viendra le parfum. En fait, c'est toujours une surprise. C'est quand même la nature qui fait les choses, alors que c'est quand même l'homme qui essaye de diriger cela. Oui, c'est l'homme qui essaie de diriger ça, mais là, au moins, l'homme dirige quelque chose d'intelligent. Il essaye de faire, avec la nature, quelque chose qui puisse ressembler au parfait, ou essayer de toucher ce qu'on appelle Dieu. On peut... Et sans changer la nature des choses. Simplement, on a l'impression que l'homme essaye d'aider l'expression de la rose. Alors vous êtes vigneron et souvent on associe les rosiers à la vigne, un petit peu comme des lanceurs d'alerte. Vous utilisez ça, vous, dans vos vignes? Oui, bien sûr, en Loire surtout. Ils utilisent ça, mais partout maintenant, ils en utilisent. Mais malheureusement, ce n'est pas respecté. Car si ça annonce le mildiou, vous savez, les vignes, les gens riches, se foutent l'annonceur. Ils mettent leur merde dessus. Et forcément, comme ça vaut cher, je parle de certaines vignes en France, mais pas partout dans le monde. Vous êtes quelqu'un qui respectait énormément la nature, y compris dans votre travail de vigneron. La rose aujourd'hui que vous avez, qui est assez, quand même proche de quelque chose d'assez sophistiqué, ça vous étonne? Non, parce que moi-même, je suis sophistiqué, contrairement aux apparences. Je suis sophistiqué parce que je suis le contraire de ce que, de ce que je suis profondément. Mais c'est souvent un peu la nature des choses. C'est-à-dire, c'est souvent dans, d'ailleurs même dans la nature même. C'est souvent dans les, ce que je représente n'est pas ce que je suis. C'est un peu le parfum de la rose. Vous pouvez avoir une toute petite rose qui dégage un parfum